de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. L'histoire, une résurrection. Histoire de France, histoire de la Révolution. Le 22 août 1998, Pascal Werner nous entraînait dans une longue traversée de l'œuvre de Jules Michelet. J'acquérais un sens nouveau, analogue à la baguette qu'on tourne pour trouver les sources, ou à la divination du mineur qui, à travers le sol, découvre le filon. Quand personne ne voyait, moi, étranger, ignorant, souvent je voyais encore. Où est, disait-on, la source ? Je frappais la terre du pied et je disais, là-dessous, on fouillait, le jet montait. Michelet le sourcier. Michelet est un personnage romantique qui entre tout de suite dans l'histoire en même temps qu'il la suscite, tout de suite dans la légende, en même temps qu'il la forge. C'est le premier de nos historiens modernes et il entretient avec l'histoire une relation passionnelle, savante et féconde qui fera de lui l'un des plus grands écrivains de la langue française. Né sous la Terreur, mort après la Commune, élevé dans l'atelier d'un petit imprimeur jacobin où il apprend lui-même à composer et à rêver, Michelet garde toute sa vie le sentiment que son œuvre est une dette. Dette envers le peuple et l'histoire de son émancipation, dette envers le père et son atelier révolutionnaire, ruiné par Napoléon. Historien de la Révolution, bien sûr, mais aussi inventeur de la notion de renaissance, fondateur de personnages légendaires, Jeanne d'Arc, créateur de mythes, le peuple autant que la sorcière, naturaliste, la mère, la femme, l'amour. Michelet est un génie multiforme et poétique. Personnage trop fort, sans doute, pour son époque, il aura des démêlés avec son temps, comme avec la postérité. Encensé, suspendu du Collège de France dès 1848, banni, statufié, récité, déclamé, psychanalysé, biographisé après coup, diabolisé et angélisé, Michelet ressort intact des pages de ses livres. Trop romantique, trop rebelle et trop libre pour être pris en otage, il nourrit toujours une méditation sur la mort, le temps et la connaissance. Avec Daniel Ben Saïd, Jeanne Favre-Sada, Éric Fauquet, Georges Vigne, Blandine Criégel, Pierre Nora, Michel Perrault, Olivier Remeau, Paul Vialanet et la voix de Luc Martin-Meyer. Michelet le sourcier, 1798-1874, une émission de Pascal Werner. Je pus tout à mon aise courir dans ma voie solitaire, enveloppé en moi, dans mon tourbillon, dans ma nuit. Obscur et sans besoin, désirant peu, ne craignant guère, gardé merveilleusement des passions par la passion, par son ardent entraînement, j'avais en elle un puissant alibi. Le temps était fort trouble. Ma route côtoyait deux torrents qu'on aurait cru tout emporter, et qui, même pour un solitaire, n'était pas sans attraction. L'un était le flot romantique d'un si grand éclat littéraire, mais qui, indécis sur le fond lui-même, s'appela l'art pour l'art. L'autre était le mouvement des écoles utopistes, qui cherchaient le fond même, voulaient renouveler la foi et la société. Je les vis en dehors, libres contemplateurs, et les observait du rivage. J'étais mon monde en moi. En moi, j'avais ma vie, mes renouvellements et ma fécondité, mais mes dangers aussi. Quelle ? Cette force même, cette flamme dont j'avivais les autres, ma jeune âme et mon propre cœur. Jules Michelet, 1869. Olivier Remeau, quel est le Michelet que vous aimez, vous ? Est-ce que c'est ce Michelet presque méconnaissable que vous nous avez présenté dans La magistrature de l'histoire ? Vous nous rendez un Michelet qui est presque plus transparent que Michelet lui-même. Moi, j'avoue que le Michelet que j'aime, c'est moins le Michelet finalement romantique, au sens où on pourrait avoir, de ce terme romantique, une image comme ça un petit peu folle, cheveux dans le vent, qu'un autre type de sublime, d'écriture sublime et de pensée sublime, un Michelet qui finalement arrive extraordinairement bien à équilibrer plusieurs choses, plusieurs positions, un Michelet très conciliateur finalement dans ses positions intellectuelles. Je m'explique tout simplement, c'est-à-dire que finalement la question de la liberté et la question du droit, la question de la politique, la question de l'histoire, dans toutes ces questions-là, Michelet a un extraordinaire sens de la mesure, je trouve. Vous le trouvez mesuré ? Oui, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il sait exactement, par exemple, telle ou telle source qu'il va chercher dans les archives. Il sait exactement, ça il le dit à plusieurs reprises, et notamment dans ses cours, que Paul Vielenex a eu la très bonne idée d'éditer. Il se dit en même temps « vates », comme il dit, c'est-à-dire « inspiré », « le devin », dit-il. Et puis, combien cette inspiration est en même temps une affaire de science. C'est-à-dire qu'en fait, et ça, encore une fois, il le redit à plusieurs reprises dans son œuvre, c'est quelqu'un qui vit l'histoire, qui cherche à ressusciter l'histoire, c'est ce que l'on connaît le plus de Michelet, cette fameuse phrase. Sur la résurrection. Sur la résurrection de l'histoire. Oui. Et qui, en même temps, à plusieurs reprises, notamment dans son introduction à la partie sur le Moyen-Âge dans son Histoire de France, dit « Sans moi et sans le travail, finalement, de science, hein, de résurrection des archives, des documents que j'ai faits, on ne connaîtrait pas ce que je suis en train de raconter. » Autrement dit, par sens de la mesure, j'entends, par sens de l'équilibre, j'entends quelqu'un qui est inspiré et qui en même temps est fondamentalement méthodique, scientifique. Vous allez à l'encontre de ce que les historiens disent aujourd'hui sur Michelet. C'est étonnant parce que vous êtes philosophe et vous, vous le présentez comme un ouvrier de l'histoire. Je pense à deux personnes là qui, par ailleurs, m'ont extraordinairement marqué par l'intelligence de leurs propos en général, c'est Roland Barthes et Georges Duby. Oui. Je crois que Roland Barthes a justement très bien vu cette double dimension d'usage de la métaphore. Cette double dimension, donc, d'un côté de l'inspiration, et puis de l'autre du travail au corps de l'histoire. Hein, Barthes qui dit Michelet dévore l'histoire. C'est un manducateur. Voilà, tout à fait. Mais en même temps, il sait comment avaler l'histoire, et il le fait avec précision, avec rigueur. Oui, il métabolise l'histoire. Tout à fait. Et il la métaphorise. Tout à fait. Et par ailleurs. Mais Barthes insiste sur le rôle du sang. Oui, oui, tout à fait, bien sûr. Ce côté. Immersion dans la chair de l'histoire. Ce qui rend l'histoire un peu méconnaissable aux yeux des historiens scientifiques, entre guillemets. Et alors, c'est là où je pense donc à Georges Duby de l'autre côté, et notamment à ses entretiens, c'est les dialogues avec Guy Lardreau, où je trouve qu'il comprend tout à fait cette chose, ce sens de la mesure, c'est-à-dire, d'un côté, Michelet, c'est le rêve, donc cette thèse magnifique que Michelet développe à satiété. L'histoire, c'est le rêve. Chaque époque rêve la suivante, etc. Oui. Et puis, de l'autre côté, c'est, comme le dit Duby, c'est un rêve rigoureux. Il dit plus ça à la fin de sa vie, Georges Duby. Dans la revue Romantisme, il explique que Michelet est illisible. Or, vous m'avez dit que vous pleurez en lisant Michelet. Alors ça, c'est un bonheur de savoir qu'on peut faire pleurer un jeune philosophe. Quelles sont les lectures alors qui vous bouleversent comme ça ? C'est vrai que lorsque je tombe par exemple sur certains passages du journal, ou sur les préfaces qui sont vraiment très très belles, mais particulièrement dans le journal, donc on a cette écriture à la première personne, hein, ça change évidemment beaucoup de choses. Oui, il a réhabilité le moi. Bien sûr. Pour lui, l'histoire c'est toujours non seulement un rêve, oui. mais la projection de moi, oui. de ma subjectivité, de moi, fils du peuple, puisque c'est ainsi qu'il se présente. Oui, oui. Moi, fils du peuple, tel que je vois les rêves. Moi, c'est pour ça que je le supporte. Pourquoi ? C'est que justement, l'histoire est un rêve. C'est en même temps quelque chose de rigoureux et en plus, c'est subjectif. Et de sorte que vraiment, quand je tombe sur le passage de Michelet dans le journal où par exemple, il consigne la mort de son père. Vous pouvez nous le lire ? Si je le retrouve. C'est un passage assez long, mais qui se caractérise, bon, évidemment, par une passion folle à l'égard de son père, et ne serait-ce que... Il partageait sa chambre. Oui, oui, oui. Et même, bon, quand Michelet est marié, il dort dans la chambre de son père et sa femme dans une autre, Pauline. Ne serait-ce que ce type de phrase, « Mon père a été mon père, ma cause et ma raison d'être », dans un sens plus spécial que ce mot même ne dit, « Je suis sorti de sa foi ». Il eut en moi dès ma naissance sans raison et sans motif une foi si naïve et si forte qu'elle m'en donna à moi-même, sans contrainte, avec l'éducation la plus indulgente, la plus faible même, cette foi de mon père à ma destinée m'obligea de la faire telle qu'il l'avait imaginée. Le texte se poursuit, il dit « Mon père était la tradition », au sens du XVIIIe siècle, Voltaire, Rousseau par exemple. Ce qu'il avait d'opinion ou d'habitude d'esprit, il le tenait de ce temps et ne s'en écartait guère. Témoin presque indifférent de ce qui se passa depuis, il laissait couler le monde, donc ce père qui surplombe un petit peu comme un sage l'histoire. Les plus terribles catastrophes privées et publiques, même sa ruine personnelle, n'altérèrent point sa sérénité. Souvent, on s'en étonnait. On n'en devinait point la cause. Ce qu'il ne vivait pas en lui, ni dans le présent, mais dans l'avenir, en moi. Et le texte se termine par « Hier, par une froide pluie de novembre, je mis mon père dans la terre. L'horreur de la saison ajoutée à l'horreur de cette forme affreuse de sépulture, on l'a supporté tant qu'on a pu croire aux promesses du christianisme. Aujourd'hui qu'il a eu le monde 1500 ans dans les mains sans pouvoir en rien faire, aujourd'hui qu'il n'est qu'un obstacle, il est dur, odieux de subir cette sépulture d'esclaves. Nous l'acceptions quand le christianisme promit la liberté, il ne l'a pas donné. » Et là on voit le père enterré, qui finalement est l'occasion d'une méditation sur la mort du christianisme, et tout de suite son père en tant qu'individu, comme Michelet lui-même, est projeté dans la dimension de l'histoire, dans l'échelle de l'histoire, et c'est, même, ça c'est du style sublime. Oui. Un style très, très chevauchant, Sainte-Beuve a parlé avec beaucoup de bonheur du style de Michelet, et je crois que ça aussi il le doit... Sainte-Beuve qui était plutôt fielleux quand même à l'égard de Michelet. Oui, oui, oui, mais il avait opposé le style vertical et le style horizontal. Et puis, bien évidemment, celui de Michelet est plutôt vertical. C'est-à-dire C'est-à-dire un style qui, en fait, est très, très court, qui sans cesse met un point et qui sans cesse rebondit sur ce point. Mmh. En fait, un style qui ne cesse de se reproduire toujours lui-même. Une phrase appelle toujours une autre phrase. Et c'est finalement un peu comme une sorte de carrosse qui s'emballe toujours avec un attelage dément. Et bon, enfin, je crois que le style de Michelet, en ce sens-là, extrêmement romantique, pas à la Chateaubriand, parce qu'il est beaucoup plus incisif, je pense, mais il est romantique au sens où il condense en très peu de mots et une phrase très courte l'essentiel de ce qu'il veut dire. Sublime plus que romantique. Alors, encore, oui. Bon, c'est toujours ce qui me frappe chez Michelet, c'est ce sublime qui, en même temps, est toujours soutenu par un travail ardent, persévérant. Il ne faut quand même pas oublier que Michelet a passé sa vie... il a voyagé, on le sait, mais en même temps... Il voyageait, oui, en Italie, en Allemagne. Oui, oui, tout à fait, mais chez lui aussi, dans des bibliothèques, à tel point que on sait combien les murs étaient ses interlocuteurs premiers, finalement, puisque les murs lui parlaient. Enfin, dans les murs, il y avait toutes les foules auxquelles il s'adressait par ailleurs. Donc, c'est quand même... un travailleur au corps, mais au sens matériel du terme, et au sens où un document pour Michelet, et ça je crois que c'est quelque chose auquel pas seulement les historiens, mais nous tous, on lui est redevable, un document, c'est comme le dit très bien dans ses dialogues Georges Duby avec Guy Lardreau, c'est un flocon de rêve. Mmh. C'est quelque chose qui ressuscite un rêve, c'est-à-dire un rapport assez complexe entre le présent et le passé, hein, un passé, comme dit Michelet, qui arrive à rêver le présent, et donc tout le sens de l'action présente, c'est d'arriver à se remémorer les aspirations du passé. C'est un des sens politiques de la méthode de l'histoire chez Michelet, hein, arriver à ressusciter l'histoire, c'est aussi arriver à redonner un visage à ceux qui n'ont pas eu de visage, etc. Une voix à ceux qui ne l'ont pas eu. C'est ça, exactement. Ça, c'est tout le thème de l'Oedipe, par exemple. Mmh. Le métier de l'historien, c'est aussi redonner du sens à ceux qui n'ont pas compris par eux-mêmes, pour diverses raisons, leur propre sens, le sens de leur propre vie, etc. Michelet se voyait comme un sphinx. Exactement. Comme Oedipe ou comme le sphinx, d'ailleurs, on ne sait pas trop. Oui, finalement, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, il y a une énigme qu'il faut y répondre et que l'historien est... Il est à la fois celui qui pose l'énigme, voilà, celui qui la résout. Tout à fait. Et puis, ouais. il est sommé d'une certaine manière par ce que Michelet appelle parfois le tribunal de la philosophie de l'histoire, puisque l'historien est quelqu'un qui à la fois agit, il ressuscite des espoirs, des aspirations, des choses vécues et pour autant pas complètement réalisées. Et puis en même temps, l'historien, c'est aussi quelqu'un qui juge. Hein, ce qui, moi, me frappe aussi et m'intéresse beaucoup chez Michelet, c'est qu'il y a une sorte de courage dans la décision qu'il prend sur le sens de l'histoire. C'est-à-dire, l'histoire, c'est quelque chose de partial. Il faut l'accepter. Donc, je juge le passé, et d'ailleurs, dit Michelet, autant que le passé me juge. Il faut aux hommes un Oedipe qui leur explique leur propre énigme, dont ils n'ont pas eu le sens, qui leur apprenne ce que voulaient dire leurs paroles, leurs actes qu'ils n'ont pas compris. Il leur faut un Prométhée, et qu'au feu qu'il a dérobé, les voix qui flottaient glacées dans l'air se révoltent, rendent un son, se remettent à parler. Il faut plus. Il faut entendre les mots qui ne furent jamais dits, qui restèrent au fond des cœurs. Fouillez le vôtre, ils y sont. Il faut faire parler les silences de l'histoire, ces terribles points d'orgue où elle ne dit plus rien, et qui sont justement ses accents les plus tragiques. Vous êtes historienne, Michel Perrault, vous êtes spécialisée dans le 19e siècle. Donc vous êtes par excellence dans la famille de Michelet. Michelet fait pour vous partie de la famille. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce qu'il est pour vous un personnage pieux? Ou est-ce que c'est un personnage vivant? Est-ce que vous le lisez? J'aime bien Michelet. Personnage pieux, non, sûrement pas. Je le lis, oui. Et je le lis pour plusieurs raisons. D'abord parce que je trouve qu'une plongée dans l'histoire de la Révolution française, ou dans la sorcière, un autre titre, c'est véritablement une plongée dans l'histoire et dans la poésie aussi. Hein. Oui. Et puis alors, il m'intéresse. Voilà, il m'intéresse parce que il est un des premiers historiens universitaires, même s'il a été très contesté, donc il est quand même un petit peu notre père à tous, faut pas l'oublier. Faut pas oublier qu'avant Michelet, l'histoire académique, enfin celle telle qu'on l'enseigne, n'existait pas. Hein. Il y avait une agrégation de philosophie qu'il a passée, et l'agrégation d'histoire a été créée plus par tard. Par Royer-le-Collard. Par Royer-le-Collard et Guizot, absolument. Oui. Et donc, il est un peu un père fondateur. Alors, en ce sens, oui, il est de la famille, et je suis un petit peu une de ses petites filles, tout de même. Alors, il m'intéresse parce que il véhicule, comme il est bien normal, les idées de son temps. Si l'on parle par exemple, des rapports masculins-féminins, comment Michelet les voit à travers l'histoire, on verra qu'il est très prisonnier des idées de son temps. De ce point de vue-là, c'est moins une vision historique qu'idéologique, à certains égards, il nous renvoie. Donc, c'est un univers. Michelet, c'est un univers. Et puis, c'est un homme fleuve. C'est un homme fleuve. Il est passionnant. Il a énormément de talent, un grand talent d'écriture. Il avait un immense talent de professeur. Il a passionné les foules du Collège de France qui le suivaient. Et puis, c'est aussi un intellectuel engagé. Quand il fait ses cours au Collège de France, il s'insurge contre l'emprise de l'Église, il vibre pour les nationalités, notamment pour la Pologne révoltée. Mon cœur est sur la Vistule. On n'a pas oublié ce grand cri des années 1840. Et il avait pour grand ami Mickiewicz, oui, qui était un Polonais. Et Kiné. Et le trio Kiné-Mickiewicz-Michelet était quand même un grand trio d'intellectuels engagés qui se battaient pour la démocratie, oui, hein, pour les nationalités. Donc, à des tas de titres, quand on s'intéresse au 19e siècle, on trouve Michelet. Voilà. Oui. On le trouve comme acteur, on le trouve comme professeur, on le trouve comme écrivain, on le trouve comme historien, on le trouve comme homme. Hein, avec ses amours de la ville. C'est un homme, par exemple, qui est un fou de Paris. Hein, oui. C'est un grand, grand amoureux de Paris, du Paris, notamment du centre. Pour lui, il voit vivre l'histoire dans Paris. Hein. Pour lui, faire de l'histoire, c'est d'abord s'imprégner des lieux. Alors, il aime déambuler dans le Paris du 19e siècle, où il imagine les artisans du Moyen-Âge, où il imagine les invasions des Goths et Sainte-Geneviève protégeant Paris. Il a énormément d'imagination. C'est un homme qui aime le rêve, qui dit qu'il faut rêver beaucoup quand on fait de l'histoire. Autrement dit, il fait appel à toutes les forces de la sensibilité et de l'imagination. Et de ce point de vue-là, c'est très rafraîchissant et c'est très stimulant. Oui, c'est un homme jeune. Hein. Oui. Je me rappelle d'une critique... La jeunesse l'aimait bien, d'ailleurs. Oui. Oui, oui, Jules Vallès, je me souviens d'une phrase de Jules Vallès, qui aimait ses cours, mais qui les aimait moins que ses livres, et qui rappelle que les cours de Michelet ont été son champ de bataille, et qui dit en même temps, ça m'a beaucoup frappé, il dit, mais il avait des absences en cours, et je préférais, dit-il, emmener du Michelet dans ma chambre, parce que je m'y réchauffais comme à un sarment. Ça, oui. Donc, il trouve que le Michelet qu'on lit, le Michelet de la lecture, est plus chaud que le Michelet orateur. Oui, il était probablement gêné par sa voix, dont oui. Personne ne dit qu'il était vraiment euphonique. Et il y a des gens, en effet, qui n'aimaient pas, qui trouvaient trop lyrique. Il n'empêche que ses cours étaient très suivis, que pour arriver à se faire une place dans les salles du Collège de France, où il enseignait, il fallait presque se lever de bonne heure. On faisait la queue. Oui, oui. Et à un moment donné, il a fait des cours sur les femmes, sur l'éducation des femmes. Mmh. Et à ce moment-là, les femmes se pressaient dans la salle du Collège de France. Et comme, au fond, elles n'étaient pas admises à la Sorbonne à ce moment-là, les femmes, sauf pour des cours publics. Mais au Collège de France, elles faisaient partie du public, puisque c'était justement très libre. Mais alors, on leur faisait des places à part. On les mettait au premier rang. Oui. Pour qu'elles ne fraient pas avec les jeunes gens un peu excités qui étaient là. Et il y avait toujours aussi des espions de la police dans les cours de Michelet. Ah, toujours, toujours, puisque ces cours ont été suspendus à plusieurs reprises. Oui, oui, à partir de 48. Et il a été tout le temps sous surveillance. Février 1849 au soir. Ami, je vous écris au coin de mon feu, pendant que sur votre montagne, vous préparez pour demain votre leçon. Il vous faut attendre à de nouvelles attaques. En dénaturant vos paroles, ils cherchent à vous irriter. Ils veulent vous attirer sur le terrain de la haine et vous amoindrir. Résistez-leur, restez un homme de paix. Je sais bien que l'ironie, le dédain seraient une réponse fière et forte à propos. Mais ce ne sont pas là vos armes ordinaires. vous en avez de meilleurs et de plus sûrs. Vous les trouvez dans votre cœur magnanime, qui vous fait aimer même vos ennemis. Quand vous rentrez ainsi en vous-même, dans la vérité de votre nature, vous dépassez toute grandeur humaine. Je vous admire profondément et vous vénère lorsque, sans regarder qui vous suit ou vous résiste, vous les emportez tous, d'un vigoureux coup d'aile, au-delà des misères de ce monde, sous le regard de Dieu, réconciliant devant lui les âmes et le peuple. Un jour viendra où cette jeunesse enthousiaste qui se serre autour de votre chair entrera à son tour dans la voie des épreuves, des combats, des persécutions peut-être, qui sait, des défaillances. Eh bien, ce qu'elle trouvera de meilleur en elle alors, ce sera vous, votre parole, votre exemple. Bien plus, dans son propre cœur, elle retrouvera le cœur vaillant qui toujours préférera la persécution à l'oubli du devoir. Jamais je ne fus plus à vous. Athénaïs. Paul Vialanet, vous êtes immergé dans l'œuvre de Michelet depuis les années 50. Je dirais dans les années 40 même. Oui. Ah, j'ai un premier souvenir prophétique, c'était en juin 1940. Mon professeur de français, alors que j'étais en classe de seconde et que j'avais 15 ans, nous avait fait une dernière leçon très impressionnante, qui n'était pas un appel du 18 juin, mais presque. Et elle m'avait donné, comme j'aimais la littérature française, le tableau de la France, avec cette devise en latin, mais vous verrez, elle est facile à comprendre, non solum in memoriam, non seulement en mémoire, sed etiam in spem, mais aussi en espérance. Oui. Donc j'ai reçu le tableau de la France à l'âge de 15 ans, en pleine débâcle, je pourrais dire presque au 18 juin 1940. Ça, c'est mon premier contact avec Michelet. Ça rappelle les cours de Lucien Febvre au Collège de France, lui, en 1942. Et oui, justement. Et puisque vous parlez de Lucien Febvre, j'en suis heureux parce que c'est parmi les hommes que j'ai connus autour de Michelet, celui qui m'a le plus impressionné, qui m'a le plus aidé et qui m'a le plus soutenu d'ailleurs. Car c'était un disciple de Michelet, on avait l'impression qu'il l'avait connu, qu'il avait suivi ses cours au Collège de France. Et il n'y a rien de plus émouvant que ces cours donnés par Lucien Febvre pendant la guerre au Collège de France pour évoquer Michelet, historien de la Renaissance, qu'il avait prêché, si je puis dire, au Collège de France dans les années 1840. Ouais. Il y a là une de ces coïncidences de l'histoire, comme Michelet les aimait, et qu'il a beaucoup exploité d'ailleurs dans son œuvre. Car il a toujours été sensible au recoupement qui se produisait entre son expérience personnelle et le passé qu'il essayait, comme il le disait, de ressusciter. Paul Vialanet, votre travail, c'est d'abord un travail sur Michelet et le peuple, la voix royale, et puis aussi toute l'édition des œuvres de Michelet, une édition des œuvres complètes en cours chez Flammarion, et un dernier ouvrage, Les Travaux et les Jours, publié chez Gallimard en 98. Alors, votre Michelet, qui est-il? De quoi est-il fait au juste, comme il dit parfois? Je m'amuserais à dire pendant quelques instants que c'était un petit homme. Ce qui frappait les gens qu'il rencontrait à partir de 1830, alors qu'il n'avait que 32 ans, c'est qu'il était blanc. Oui. Et il y avait un contraste entre cette chevelure blanche et la jeunesse du visage, l'éclat des yeux. Et il était capable, dans ses cours, à la fois de faire rire et d'émouvoir. C'est pourquoi il aimait l'enseignement. C'est un grand, très grand professeur. Et la parole a toujours compté pour lui, même quand on la lui a retirée sous le Second Empire. Il avait besoin de ce contact par la parole. L'enseignement de Michelet était assez redoutable pour les hommes de pouvoir, pour qu'il ait été suspendu par les trois gouvernements successifs sous lesquels Michelet enseignait, le gouvernement de la monarchie de Juillet, qui a suspendu son cours au 2 janvier 1848, le gouvernement de la Seconde République, qui l'a suspendu ensuite en 1851, et enfin l'Empire, qui a destitué le professeur lui-même. C'est-à-dire que Michelet s'est retrouvé sans ressources, ah oui, sans chair, sans tribune. Et c'est pourtant le moment où il va publier les morceaux peut-être les plus importants de sa vie d'auteur, puisque ce sera l'histoire de la Révolution française et la sorcière. Il a été destitué donc au mois de mars 1852. À ce moment-là, il n'avait pas achevé l'histoire de la Révolution, dont il avait publié le premier tome en 1847. Alors il a quitté Paris, où il ne se supportait plus, il est parti à Nantes, où il a été hébergé dans des familles républicaines, qui d'ailleurs ont mis à sa disposition des archives concernant les guerres de Vendée. Il a achevé l'histoire de la Révolution à Nantes en 1853. Et là, il est absolument épuisé, presque en danger de mort. Il est parti en Italie, dans un petit port ligure au sud de Gênes. Et pendant l'hiver, il a fini par surmonter cette crise de fatigue, en fait. Et il a connu là, en Italie, une sorte de résurrection. Mais Michelet est l'homme des résurrections. Il a parlé des résurrections qui se produisent dans l'histoire, mais sa vie également a connu plusieurs résurrections, dont celle de cette époque-là, où tout à coup, il a renoué avec l'histoire de France, qu'il avait abandonnée en 1844 pour se consacrer à l'histoire de la Révolution. Et comme par hasard, il a renoué à l'endroit où il l'avait abandonnée, c'est-à-dire au moment de la Renaissance. Et il a entrepris une nouvelle œuvre dite naturaliste, qui a été d'ailleurs le grand succès de sa vie, le grand succès de librairie de sa vie. Alors ce Michelet des œuvres naturalistes, oui, l'oiseau, l'insecte, l'amour, la femme, la mer, la montagne, bon, ce ne sont pas les œuvres qui nous touchent le plus. Ça a été le grand moment de sa popularité. Ah, donc, oui. Comment vous expliquez ça ? Alors, Lamartine, ironiquement, lorsque Michelet a publié La mer, lui a dit, écoutez, vous avez raison, les gens demandent maintenant de la nature, ils en ont assez de l'histoire. Ils veulent des livres qui leur parlent de la nature. Bon, ça c'est une plaisanterie. Il est certain que Michelet, déçu et même brisé par l'échec de la Révolution de 48, a cherché du côté de la nature une sorte de consolation. Mais en même temps, il résistait à cette consolation parce qu'il craignait de trahir l'histoire avec la nature, si vous voulez. Michelet avait appris que les sciences de la nature devenaient histoire naturelle, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire que, au lieu de classer tout ce que l'on sait de la nature, on avait entrepris de raconter l'histoire de la vie. Et en tant qu'historien, il a été entraîné de ce côté-là. Le 19 juin, bien préparé, je fus enfin enseveli, mes amis corps seulement. Dans mon cercueil magnifique de marbre blanc, je reçus la première application du noir limon, onctueux, et qui pourtant ne salit guère, n'étant au fond que du sable. Une autre baignoire de marbre, à côté, vous reçoit après et vous lave en un instant. Le 20 juin, la terre m'envahit plus haut, jusqu'à l'estomac, me couvrit presque entièrement. Le 21, je disparus. Le visage seul resta libre pour respirer. Je pus m'apercevoir alors du talent de mon ensevelisseur. Il était sculpteur habile, dans le genre égyptien. Je me vis, sauf le visage, tout entier fort bien moulé dans ce funèbre vêtement. Je pouvais me croire déjà habitant du sombre royaume. Déguisement étrange. Rien cependant qui doive étonner fort. Ne serais-je pas ainsi en terre dans quelque temps, dans bien peu d'années sans doute? De cette tombe à l'autre, faible est la différence. Notre berceau, la terre où naquit notre race, n'est-elle pas aussi un berceau pour renaître? Espérons-le. L'eau de mer, même la plus pure, prise au large, loin de tout mélange, est légèrement blanchâtre et un peu visqueuse. Retenue entre les doigts, elle file et passe lentement. Les analyses chimiques n'expliquent pas ce caractère. Il y a là une substance organique qu'elle n'atteigne qu'en la détruisant, lui ôtant ce qu'elle a de spécial et la ramenant violemment aux éléments généraux. Les plantes, les animaux marins, sont vêtus de cette substance dont la mucosité, consolidée autour d'eux, a un effet de gélatine, parfois fixe et parfois tremblante. Ils apparaissent à travers comme sous un habit diaphane. Et rien ne contribue davantage aux illusions fantastiques que nous donne le monde des mers. Les reflets en sont singuliers, souvent bizarrement irisés, sur les écailles des poissons par exemple, sur les mollusques qui semblent en tirer tout le luxe de leurs coquilles nacrées. J'étais bien petit quand cela m'arriva, mais je m'en rappelle parfaitement la vive impression. Cet être brillant, glissant dans ses écailles d'argent, me jeta dans un étonnement, un ravissement qu'on ne peut dire. J'essayais de le saisir, mais je le trouvais aussi difficile à prendre que l'eau qui fuyait dans mes petits doigts. Il me parut identique à l'élément où il nageait. J'eus l'idée confuse qu'il n'était rien autre chose que l'eau, l'eau animale, organisée. La mer, 1861, Jules Michelet. Il y a aussi dans Michelet quelque chose de très étrange pour un historien, c'est cette manière qu'il a de personnaliser l'histoire. Et là où il se situe, il croit en être à l'âge adulte et il vise, comme Vico, l'âge héroïque. Est-ce que je me trompe, Olivier Romeau ? Il a accompli son travail sur Vico, oui. Ce philosophe napolitain à la langue un peu tortueuse, oui. Qui lui a donné beaucoup de mal, beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de passion. C'est sûr que de Vico, mais aussi finalement du XVIIIe siècle, à bien des égards, il hérite cette thèse d'une correspondance entre le développement de l'individu et puis le développement de la société. Alors après, il se situe lui-même dans l'âge adulte, il vise l'âge héroïque. Ce qui est clair, c'est que pour lui, la Révolution française, oui, est, oui, l'âge adulte de l'histoire. C'est, oui, c'est vraiment le moment où, et singulièrement, c'est là que le droit prend toute son importance. Oui. J'ai centré mon livre là-dessus. La phrase de Michelet étonnante, c'est « La Révolution, c'est le droit ». C'est le droit, tout à fait. C'est une phrase, oui, alors, qui déjà étonnait au XIXe siècle. Bien sûr. Mais pour tous les philosophes politiques aujourd'hui, elle est carrément archaïque. C'est... Oui, en même temps, c'est vrai que la révolution, c'est le droit. Ça signifie la révolution est le point d'aboutissement d'un certain mouvement historique dans lequel le peuple, peu à peu, s'est formé, peu à peu a pris conscience de lui-même, peu à peu s'est connu, et de mieux en mieux, lui-même. Et puis... Mais qui est le peuple, alors, selon Michelet ? Alors, ce peuple, finalement, c'est... Le peuple, d'abord, il est source du droit, mais il est source instinctive du droit. C'est une logique que j'ai du mal à suivre. Je crois qu'une bonne façon de reprendre la difficulté, parce que c'est vrai qu'il y a une difficulté, oui, c'est de repartir de Michelet lisant Vico et comprenant que l'histoire d'un peuple, c'est aussi l'histoire des révolutions de son propre droit. Mmh. Ce qui veut dire qu'un peuple, une nation par exemple, évolue, passe par des âges, et simultanément, on trouve ça chez Vico, ses droits se développent. On passe, par exemple, d'un âge plutôt sévère, au début de l'humanité, où tel ou tel peuple manque de droits au sens où on en parle maintenant, au sens de l'âge démocratique, par exemple, mmh, et puis, en évoluant, acquiert de plus en plus des droits au sens du droit, du sens commun, hein, c'est-à-dire des droits qui concernent l'égalité, qui concernent l'équité, qui concernent la liberté de la civilité, de la politique. Dès le moment où l'histoire d'un peuple, c'est l'histoire des révolutions de son droit, cela veut dire que plus on avance, et il y a ce côté un petit peu dynamique, toujours en marche chez Michelet, plus l'histoire progresse et plus le soufflet gonfle, plus on avance et plus le droit progresse, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de heurts, qu'il n'y a pas des retours momentanés, partiels. La Renaissance est un âge extraordinairement complexe pour Michelet, parce que c'est un âge où à la fois une lumière apparaît, il y a énormément d'individus qui sont des figures du peuple, Rabelais, Copernic, Luther, des gens comme ça, et qui sont parmi les prophètes qui annoncent la réalité du peuple, qui va arriver avec la Révolution. Et puis en même temps, Michelet le dit, cet âge de la Renaissance est un âge où tout n'est pas éclairé, où le peuple ne se connaît pas encore exactement lui-même. Et puis on arrive donc à la Révolution française, où on a là ce peuple qui prend connaissance de lui, donc qui se connaît lui-même, au sens où Solon déjà disait ça à ses Athéniens dans la démocratie grecque. « Connais-toi toi-même », disait-il à son peuple athénien. Et à ce moment-là, on comprend que le peuple, c'est dans le peuple qu'il écrit en 1846, c'est quelque chose de très réel. Hein, c'est les ouvriers, c'est les artisans, c'est ceux qui travaillent le coton, etc. Et puis aussi, assez souvent, le peuple, c'est un moment historique où le droit s'incarne, où la liberté se vit dans le cœur de chacun. C'est finalement, comme Michelet le dit à propos de la prise de la Bastille, un acte de foi, c'est-à-dire une sorte d'instant magique, hein, une sorte de rêve, là aussi, mais un rêve qui est réel. Et puis en même temps, il y a toujours cette idée chez Michelet que le peuple est conduit, comme il dit dans ses cours, par une sorte de procédé végétatif. C'est-à-dire qu'en fait, il ne se connaît pas toujours lui-même. Et là, on rejoint l'instinct. Autrement dit, le moment particulièrement éclairant de la Révolution française, c'est que dans ce moment-là, et c'est pour ça que Michelet parle d'âge adulte de l'histoire, c'est que d'un point de vue, le peuple prend pleinement conscience de sa dimension historique et politique. Et en ce sens-là, il se connaît lui-même. Et puis de l'autre point de vue, il reste toujours cette foule, au sens positif du terme, menée par l'instinct, et c'est ça qui le fait agir, c'est ça qui le fait progresser. On ne peut pas dissocier la sagesse réfléchie, dit-il en prenant une expression de Vico, de la sagesse instinctive, qui est également une expression de Vico. Il dit finalement, pour résumer, la formule de ma politique nouvelle, c'est ça, c'est les deux ensemble. Hein, toujours ce sens de la mesure, sens de l'équilibre, les deux ensemble. Concilier les deux, l'instinct et la raison. La connaissance de soi et puis en même temps cette part d'obscurité qui permet d'agir, d'aller toujours de l'avant. À Eugène Noël, septembre 1852. Ne croyez pas que je vous oublie un seul jour, chers fils et frères. Mais Robespierre mange ma moelle et mes os. J'achève, plein d'anxiété pour une seule chose. Suis-je véritablement vrai? Alfred Duménil, 10 décembre 1852. À mesure que la saison s'assombrit, mon sujet aussi s'enfonce dans de profondes ténèbres. Chaque découverte morale que je fais dans le cœur de l'homme me pénètre de douleur. À cela, je reconnais que je suis jeune encore. Les lâchetés de mes héros me troublent, me remplissent de deuil comme si je ne savais pas la nature humaine. À Alfred Duménil, 14 janvier 1853. Je me hâte dans mon travail et me voici presque à la mort de Danton. J'ai traversé des immensités d'épines et de ronces. La terrible selva de Dante au commencement de l'enfer n'est rien auprès. Je touche ici le fond même de cet enfer où la morale fait faire les crimes. Robespierre et Saint-Just ont été d'âpres moralistes. À Eugène Noël, 17 octobre 1853. Ce livre me dévore, tout fini qu'il semble. J'ai bu trop du sang noir des morts. J'ai consciencieusement égorgé des hommes qui m'étaient si chers. Je n'aurai aucun repos que je ne leur ai donné pour expiation de mes sévérités, l'histoire de leurs successeurs, histoire fangeuse, histoire sanglante, 100 fois plus sanglante que 93. Comment dire l'épouvantable cataracte de sang humain qui coule de 1795 à 1815 ? L'histoire de la Révolution française, c'est tout de même sa grande œuvre fondatrice du point de vue de l'histoire, hein, oui. Avec la conscience qu'il a de la Révolution comme un événement absolument fondateur, et par conséquent légitimant le travail de l'historien. Puisque, faisant l'histoire de la Révolution française, l'historien fait en même temps un travail de citoyen et porte la mémoire d'un événement qui, pour lui, est non seulement l'événement fondateur de la France moderne, mais l'événement fondateur de l'Europe moderne et de l'humanité, d'une certaine manière, puisque pour lui, c'est la démocratie, la République en perspective, puisque quand il commence à enseigner, il n'y a pas la République, la fraternité, la solidarité, l'autonomie des peuples à disposer d'eux-mêmes. Tout cela se sent à travers l'histoire de la Révolution française, qui fait que ce livre est à la fois un livre politique, un livre de réflexion politique, de testament politique, en même temps qu'un livre, j'allais dire, du patrimoine. Il ramasse, il veut donner aux gens de son temps la connaissance d'un événement fondateur. Et alors là, pour ça, il faut dire à quel point Michelet a été un homme d'archives. Il a été un homme d'archives d'abord parce que... Il a été nommé par Guizot, oui. À la sous-direction... Chef de la section historique. Historique, oui. Il était archives, sous les ordres d'Onou. Oui. Et il devait commencer à collationner, à ramasser dans toute la France des archives possibles, imaginables, parce que maintenant on est tellement habitués, oui. Nous les historiens, à fréquenter les archives et leurs inventaires, qu'on oublie qu'au fond, tout ça, ça date de la Révolution française et du Directoire. Et puis alors naturellement, reconduit par cette époque qu'a été la Restauration, la Monarchie de Juillet, qui sont des grandes époques sur le plan du patrimoine. Et il aimait les archives. Il aimait ses rapports de la Convention, ses papiers qu'il maniait avec une espèce d'émotion qui faisait qu'il restait très tard dans les archives pour, avec une bougie, lire très très tard. Et puis aussi, ce travail de collation des archives, il allait un peu partout, dans les départements, pour arriver à ramasser tout ça. Et il a déployé une activité considérable. Et il disait qu'il ne fallait pas seulement une archive, mais plusieurs sources pour les recouper les unes par les autres. Autrement dit, il y avait chez lui l'idée de la recherche de la vérité. Donc il n'est pas seulement un poète, il est un homme qui recherche la vérité. Et puis il voulait faire entendre la voix des acteurs, par exemple, raconter la prise de la Bastille par les témoins, par les gens qui l'avaient vu ou qui l'avaient fait. Et ça supposait de regarder dans les rapports de police, dans les rapports des témoignages des gens de l'époque. Donc, je suis née sous la terreur, il est né en 1798, voilà. Son père était un petit imprimeur jacobin. Oui. Oui. Alors, ce qu'il y a d'étrange dans la vie de Michelet, c'est qu'il commence à travailler sur la Révolution en 1847, oui. Au moment de la mort de son père. Oui. Son père meurt en novembre 1847. Et c'est à ce moment-là que Michelet interrompt son histoire de France. De France, oui, l'histoire qu'il avait consacrée, comme tous les historiens du XIXe siècle, au Moyen-Âge et à Rome. Oui. Et il écrit l'histoire de la Révolution entre le Moyen-Âge et la Renaissance. En effet. Et c'est au moment de la mort de son père. Alors, est-ce que vous, quand vous avez découvert Michelet, vous aviez en tête qu'il était à ce point le fils d'un petit artisan révolutionnaire ? Oh non, pas du tout. On se n'est que peu à peu, grâce aux travaux de Vialanex, de Mitzmann, de Fauquet, bien d'autres, et aux textes publiés, que j'en ai appris davantage sur l'homme Michelet et sa vie. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est en effet très intéressant parce que il est le fils du peuple. Oui, ça, il le dira toujours. Il est le fils du peuple de Paris, ce fils d'imprimeur de la région de l'Est, monté à Paris en quelque sorte, vient de ce milieu des artisans très qualifiés, c'est-à-dire des gens qui ont à la fois un métier manuel et en même temps une connaissance des livres. Vous savez qu'au départ, son père pensait qu'il serait imprimeur, qu'il deviendrait un imprimeur. Et c'est lui qui a eu envie de plutôt faire des études et de faire autre chose. Mais c'est vrai que, par ailleurs, il aime ce peuple de Paris, il aime les petites gens. Et il les épousera. Oui, entièrement. Il les épousera. Il connaissant. Tout ce qui compose pour lui le peuple, il sera marié avec. Il y a sa première femme, Pauline, qui est c'est une bâtarde. C'est une bâtarde qui n'a pas d'état civil. À la mort de Pauline, c'est Marie qu'il appelle Barbara Rustica. Oui, alors ça, ce sont les servantes. Voilà. Les servantes maîtresses, les servantes maîtresses, les amours ancillaires. Mais pour lui, oui, il y a Marie, il y a Victoire, qui est simplement Rustica. Elle. Oui, c'est ça. Hein, oui. Et alors, il pense qu'en aimant les filles du peuple, on aime le peuple lui-même. Oui, il va s'imprégner, oui. Et puis, il y a Athénaïs, qui est institutrice. Qui est institutrice, qu'il épouse en 1849, oui, oui. Et qui va être, évidemment, le grand, grand amour de sa vie. Il avait beaucoup aimé Madame Duménil. Oui. Alors là, c'est ce qu'il appellerait une dame. Tout à fait. Et dont le fils épouse sa fille. Qui s'appelle Adèle, comme la fille de Victor Hugo. Oui. Et Alfred Duménil est le disciple favori de Michelet. On a d'ailleurs dit que Alfred avait épousé Adèle, dans un certain sens, pour épouser Michelet. Enfin, j'exagère bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a là des rapports très passionnels d'un disciple au maître. Et d'un maître au disciple aussi. J'espère qu'Adèle a été heureuse, j'en sais rien. Espérons-le en tout cas. Mais Michel Perrault, alors pourquoi est-ce que ce Michelet, qui est un personnage si vivant, si vif, si impétueux... Si passionné. Oui, si passionné. Oui. Puis, il y a même une phrase de lui magnifique où il dit « J'ai tenu mes passions en laisse parce que j'avais la passion. » Pourquoi est-ce que cet homme-là est aujourd'hui dédaigné par les historiens. Deux d'entre eux, un historien du Moyen-Âge que vous avez très bien connu, qui est Georges Duby, et un historien de la République qui s'intéresse au même objet que vous, Maurice Agulon, dans la revue Romantisme qui célèbre son bicentenaire, le dénonce comme une imagination par laquelle on n'est plus obligé de passer pour retrouver l'histoire. Est-ce que ça vous paraît injuste ou est-ce que c'est parce que justement Michelet fait trop partie de leur famille et qu'ils l'ont un peu tué comme un tuerait le père ? Je pense que l'histoire a beaucoup changé et que Michelet est intéressant pour les historiens comme témoin historiographique et témoin tout court. Et il est vrai qu'on ne fait plus l'histoire de la Révolution française de la même manière que Michelet. Ça, je crois que c'est vrai. Je pense que les historiens en question, c'est une manière pour eux de prendre leur distance par rapport à cela. Mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est très tôt qu'on a dit cela. Par exemple, je vais vous lire un jugement de Taine, qui dit ceci. L'histoire est un art. Taine a 30 ans de moins que Michelet. Oui, absolument. L'histoire est un art, il est vrai. Mais elle est aussi une science. L'histoire de Michelet est admirable et incomplète. Elle séduit et ne convainc pas. Elle est l'épopée lyrique de la France. Oui, mais Taine était vraiment très réactionnaire. Oui, franchement. Très réactionnaire. Très réactionnaire, il détestait la Révolution. Donc déjà, il y avait cela. Il y avait ça, ça n'était pas un homme qui pouvait partager ce que Gabriel Monod appelle la prédication démocratique de Michelet. Il disait « un million d'ignorances ne peuvent pas faire un peuple », alors que Michelet pensait que le peuple était le réservoir de bon sens de l'humanité. Donc il y a un monde qui les sépare. Il y a un monde qui les sépare. Voilà. Mais c'est vrai. Il a suscité des polémiques vraiment tellement tôt. Il a été, très tôt. Il a été chassé du Collège de France parce qu'il faisait sa prédication. Il se prenait pour l'instituteur du peuple. Mais enfin, c'est pour des raisons politiques. Pour des raisons politiques, oui. C'est différent. Mais Taine aussi. Oui. Vous ne croyez pas ? Certainement. Je pense que Michelet et Taine sont aux antipodes politiques l'un de l'autre. Mais ce qui est intéressant dans le jugement de Taine, c'est que l'opposition entre l'histoire-science et l'histoire-poésie, c'est une critique qu'on va retrouver tout le temps à propos de Michelet. C'est pour ça qu'elle m'intéresse, si vous voulez. Est-ce que vous ne la trouvez pas très injuste ? Mais si, je la trouve injuste. D'ailleurs, j'opposerai à cela le jugement de François Furet, qui a écrit sur Michelet dans le dictionnaire critique de la Révolution française, un très bon article dans le dictionnaire qu'il a dirigé avec Mona Ouzouf, un très très bon article, et cet article se termine ainsi, une histoire savante écrite sur le mode de la poésie. Autrement dit, je trouve que le jugement de François Furet est beaucoup plus équilibré, parce qu'à la fois, il perçoit le sens poétique de Michelet qui est incontestable, mais en même temps, il dit que c'est un homme d'archives, un homme qui a fait des recherches, et que, en définitive, ce qu'on peut reprocher à Michelet, c'est de ne pas citer ses sources. Tout simplement parce que... Ça l'ourdit. Non, c'est pas ça. L'histoire en était, du point de vue de sa démarche scientifique, à ses débuts. Oui. Et ça ne se faisait pas. C'est pas ça, au XIXe siècle, oui, ça ne faisait pas. On ne citait pas les sources. On utilisait ce qu'on lisait, et puis on ne disait pas trop d'où ça venait. Évidemment, ce qui a fait faire un bond dans ce domaine-là à l'histoire, c'est le positivisme. C'est des gens comme Seignobos, comme Monod, comme Seignobos, comme tous les gens de l'époque 1900. Mais Gabriel Monod adore Michelet. Oui, donc les jugements sont effectivement partagés. Mais Lucien Febvre aimait beaucoup Michelet. Il a dit que c'était un dieu de l'histoire. Parfait. Lucien Febvre était un passionné de Michelet et il trouvait au contraire qu'il y avait chez Michelet cette sensibilité aux paysages, aux œuvres d'art, avec aussi cette notion d'une histoire qui intègre des sources très variées. Parce que ça, on n'en a pas parlé, mais Michelet, je vous ai dit que c'était un homme d'archives, mais c'est aussi un homme qui pense qu'on peut faire l'histoire avec des tableaux. Oui. Hein, on regarde des œuvres d'art, on réfléchit un petit peu à ce que ça avait pu être pour les gens qui les ont peintes, les gens qui les ont vues. Ben ça, voilà une intuition, l'école des annales, Lucien Febvre, tout à fait. Hein. Je pense que le jugement négatif sur Michelet demandera à être expliqué. La solitude intérieure de Saint-Just, plus profonde encore, son état d'abstraction qui le tenait à 1000 ans au-delà ou en deçà, lui rendait chaque jour le présent de plus en plus intolérable. Sa chambre des morts le suivait idéalement. Il ne vivait volontiers qu'aux armées, sur les chemins, et là encore dans un grand isolement, tenant les généraux à distance dans le respect et la terreur, haïssant d'avance en eux l'avènement du pouvoir militaire, la brutalité du sabre, et croyant qu'on ne pouvait la tenir trop ferme, trop bas. Il avait chassé les filles de l'armée. Un soldat qui garda la sienne un jour de plus et s'en vanta, Saint-Just le fit fusiller. À travers les embarras de ce rôle étrange de dictateur des armées, il ne laissait pas que d'écrire. Au milieu des généraux tremblants et courbés, il lui arrivait souvent de tirer un agenda qu'il portait toujours et l'on croyait qu'il écrivait des ordres de mort. C'était des rêves, généralement philanthropiques, des vœux, des idées pour la République de l'avenir, où il rejetait ses espérances, les lois d'une cité agricole où régnerait l'égalité et la vertu. Chose étrange, le proscripteur et le proscrit, Saint-Just et Condorcet, écrivaient en même temps, l'un dans sa cachette, l'autre à la tête des armées, et tout puissant. Et tous deux écrivaient des rêves, bien divers, mais toujours empreints d'un amour profond de l'humanité. Il y a des mots d'une telle solitude de cœur dans les notes de Saint-Just, d'un tel élan vers les âges futurs, qu'on est bien tenté de croire que le présent n'est plus pour lui. L'amitié vit-elle encore ? Oui, mais sans doute affaibli. D'autant plus embrasse-t-il l'humanité à naître avec une tendresse sublime. L'homme, obligé de s'isoler du monde et de lui-même, jette son encre dans l'avenir et presse sur son cœur la postérité innocente des mots présents. C'est l'amour de l'avenir qui le rend terrible à son temps. Gardien austère de la révolution dont il répond aux générations futures, il semble enfermé de plus en plus dans une île âpre, escarpée, sauvage, dans l'idéal impossible que le monde fuit de plus en plus. Ce jeune Dracon, ce Lycurgue, c'est celui que tous trahissent. Il dit « Je suis né au milieu de la grande révolution territoriale et j'aurais vu poindre la grande révolution industrielle. Né sous la terreur de Babeuf, je vois avant ma mort celle de l'international. » Donc c'est un homme qui se voit comme pétri par l'histoire, la révolution et la mort. Oui, oui, on peut le dire ainsi. On ne peut qu'être impressionné par la coïncidence de la vie de Michelet. Il est né en 1798. Il est mort en 1874, la coïncidence de cette vie et d'une longue série de luttes, de défaites et de victoires à la fois de la cause du peuple en France et à travers l'Europe. Et c'est vrai. Alors, pour être clair là-dessus, si c'est possible, je voudrais dire d'abord que Michelet est incontestablement un fils de la Révolution. On ne peut pas l'être davantage, non seulement à cause de la date de sa naissance, mais parce que son père, ouvrier à l'imprimerie des assignats, n'a peut-être pas participé aux émeutes, mais était un jacobin, enfin était inclus dans la foule des Parisiens qui applaudissaient la Révolution. Il a été élevé réellement dans le souvenir de la Révolution. On s'en aperçoit d'ailleurs en tout simplement en lisant l'histoire de la Révolution, où la part du témoignage oral est considérable. Il est vraiment né dans la Révolution. Et son histoire de la Révolution est une histoire révolutionnaire de la Révolution, en ce sens qu'elle est écrite de l'intérieur, par quelqu'un qui y est né et qui n'a cessé d'y vivre. D'où d'ailleurs le chagrin que lui a causé la mort de son père en 1847, quand il était en train d'écrire l'histoire de la Révolution. Il allait publier le premier tome et il explique qu'il a reçu la mort de son père au moment où il racontait la prise de la Bastille comme un boulet de canon de la Bastille. Bon, donc c'est un homme qui fait partie de la Révolution. Et au fond, quand Furet dit que l'histoire de la Révolution part de 1789 et va jusqu'à la fin des années 1870, il évoque très exactement le temps pendant lequel Michelet a vécu. Donc il est normal qu'à tout moment, sa vie et la suite de la Révolution française interfèrent. Il est évident que, sentimentalement, affectivement, il a été ému. Et il a plein d'espérance chaque fois qu'un mouvement révolutionnaire de nouveau s'est produit en France. En 1820, alors qu'une manifestation d'étudiants à Paris est matée par la police, il écrit à son meilleur ami « je sens le besoin d'avoir un fusil ». C'est typique, c'était vraiment un jeune jacobin, même s'il n'en donne pas les signes extérieurs dans sa vie publique. Bon, en 1830, alors, pour lui, c'est vraiment le recommencement de la Révolution et le retour de l'espoir politique. Et il a écrit à cette occasion l'introduction à l'histoire universelle qui exalte cette espérance révolutionnaire de bien des manières, un peu d'ailleurs comme La liberté de Delacroix. Ce sont deux œuvres absolument contemporaines. Bon, là-dessus, il est comme beaucoup de jeunes gens de cette époque. Il n'est pas formellement républicain. D'ailleurs, personne ne sait trop ce que c'est que la République. Et lui, il garde tout de même le souvenir que la République a mal fini avec l'Empire. Donc il ne sait pas exactement ce que c'est que la République. On ne sait pas exactement ce que pourrait être la République qui s'est abîmée dans la terreur avant de laisser place à la tyrannie. Alors il accepte l'arrangement, si je puis dire, de la monarchie de Juillet avec cette synthèse possible de l'œuvre révolutionnaire et de la tradition monarchiste. Il l'accepte, c'est vrai. Mais à partir de 1840, quand il arrive au Collège de France, il n'y croit plus. Il est déçu par la monarchie de Juillet. Et il a des mots très durs dans son enseignement même, contre le juste milieu, contre l'éclectisme, comme il dit, non seulement celui de Victor Cousin, mais celui de Guizot dans sa manière de gouverner la France. C'est-à-dire qu'il a été fait par Guizot, mais il ne suit plus le Guizot ministre. Pas du tout. Il n'est pas libéral comme Guizot l'est, en fait. Il l'a été. C'est un faux libéral. Oui, mais enfin, ça n'a jamais été. La liberté de Michelet, je dirais, c'est celle de la Croix. Et c'est celle de l'introduction à l'histoire universelle. Ce n'est pas du tout la liberté de Guizot, ni de Tocqueville. Ça, il faut bien le savoir. Et d'ailleurs, c'est ce que beaucoup de gens, encore aujourd'hui, reprochent à Michelet. Non, ce n'est pas un libéral. C'est un homme trop marqué par la Révolution pour être un libéral. Et il est donc très dur pour la monarchie de Juillet. Et il se met à écrire son histoire de la Révolution pour une raison très simple. C'est qu'il se dit, et il n'est pas le seul à se le dire, Lamartine le proclame à la tribune de l'Assemblée, qu'une nouvelle Révolution arrive. Et que celle-là, il faut la préparer. Parce qu'en même temps qu'il attend la Révolution, Michelet est convaincu que si on n'y prépare pas le peuple, elle sera de nouveau confisquée et elle aboutira au pire. Si bien qu'en 1848, si vous êtes à la fois très heureux et très inquiet, et du reste, dans ses cours du Collège de France à partir de 45, il essaie, si vous voulez, de bâtir hâtivement, évidemment, hâtivement, une sorte d'idéologie républicaine qui pourrait permettre à la République, si elle revient, de s'installer plus solidement dans les esprits. Et c'est de nouveau ce qu'il fait après les journées de juin, quand il reprend son enseignement et qu'il essaie d'expliquer que la Révolution ne pourra aboutir, si vous voulez, à la République que s'il y a de la part des Français une conversion à la démocratie, une conversion intérieure. Et il n'est pas du tout sûr qu'elle soit produite. Et il a été le premier à redouter la réaction de la France profonde après les journées de février. Et d'ailleurs, hélas, il n'a pas été démenti par les élections successives qui portent à la présidence de la République dès l'automne de 1848 le prince président, c'est-à-dire un Bonaparte, qui a 2 millions de voix, je ne sais plus combien, alors que Lamartine en a 20 000. C'est tout de même un démenti extraordinaire qui montre que le peuple français n'est pas prêt pour la République, en fait. Et Michelet va, comme il avait commencé à le faire au Collège de France, tout en racontant l'histoire de la Révolution sur le mode épique, il va essayer de bâtir un enseignement républicain. Et c'est à partir de là, si vous voulez, qu'il commence à fonder une sorte d'idéologie républicaine qui ne sera guère, certes, diffusée et applaudi dans l'immédiat, mais qui, finalement, marquera plus qu'on ne le croit une jeune génération qui suit ses cours au Collège de France ou qui lit ses livres, qui est parfois persécutée sous le Second Empire, mais qui prendra le pouvoir en 70. Ce qui explique que la Troisième République trouvera, ou croira trouver, dans l'œuvre de Michelet, l'une de ses sources idéologiques. Vous voyez comment les choses se présentent. Je veux dire par là que la passion révolutionnaire de Michelet, cette flamme qui s'allume en lui chaque fois qu'il s'agit de la Révolution et de raconter l'histoire de la Révolution, et qui fait de lui presque un poète épique de la Révolution, s'accompagne d'une grande lucidité politique. Il ne pense pas que la Révolution est une fin en soi. Il ne sait que trop bien que la Révolution, une première fois à la fin de la première, et une seconde fois, plus ou moins après 1830, une troisième fois en 1848, aboutit au pire. Le pire, d'ailleurs, on peut le dire, puisque pour lui, Napoléon III, c'est Napoléon le Petit, comme dirait Hugo. C'est vraiment le retour au Premier Empire. Donc, il reste à bâtir la République. Elle n'est pas du tout bâtie. Et vous savez que son œuvre finale, y compris son œuvre d'histoire naturelle, d'ailleurs, dans son esprit, est un enseignement destiné à introduire peu à peu dans l'opinion française, dans la masse, dans l'épaisseur de la France, le sentiment démocratique. Même son œuvre d'histoire naturelle, dans son esprit, doit y contribuer. S'il écrit l'amour et la femme, c'est qu'il pense qu'il faut à tout prix, si on veut qu'une autre fois la République vive, y associer les femmes. Les femmes qui non seulement n'ont pas jusqu'alors ni en guerre participé, mais restent sous la main du clergé, d'un clergé qui reste hostile à la République. Le titre de son dernier cours, de son avant-dernier cours en 1850, c'est « Éducation de la femme et par la femme ». Autrement dit, il faut que la femme soit reconnue comme l'égale de l'homme, liberté, égalité, fraternité, pour que la République commence à vivre au sein du couple, au sein de la famille, avant de s'imposer finalement dans la nation tout entière. C'est ce moment-là, d'ailleurs, étrangement, qui incendie littéralement le Collège de France. Un cours sur la femme, oui. C'est étrange, et sur l'amour. Un incendie au Collège de France, oui. Des émeutes au Collège de France, à cause d'un cours sur l'amour en 1850. Eh bien oui, évidemment, aujourd'hui, nous sommes sensibles peut-être à ce qu'il y a d'un peu désuet dans dans la prédication de Michelet, évidemment, l'amour pour nous maintenant, qu'est-ce que c'est l'amour ? C'est l'amourette, enfin, nous ne pensons pas à amour au sens fort du terme. C'est le dernier mot de la justice, au fond. Il pense que dans la justice, cette fameuse justice qui lui paraît le grand principe de 1789, la justice s'accomplit non seulement quand on rend son dû à chacun, hein, c'est une justice distributive, mais lorsqu'on est capable intérieurement non seulement de reconnaître en l'autre un égal, mais de l'aimer parce qu'il est différent. Ça, c'est très chrétien, non ? Finalement, oui. Bien que Michelet ait rompu avec le christianisme. Les insectes et les poissons restent muets. L'oiseau chante. Il voudrait articuler. L'homme a la langue distincte, la parole nette et lumineuse, la clarté du verbe. Mais la femme, au-dessus du verbe de l'homme et du chant de l'oiseau, a une langue toute magique dont elle entrecoupe ce verbe ou ce chant, le soupir, le souffle passionné. Incalculable puissance. À peine elle se fait sentir, et le cœur est ému. Son sein monte, descend, remonte. Elle ne peut pas parler, et nous sommes convaincus d'avance, gagnée à tout ce qu'elle veut. Quelle harangue d'homme agira comme le silence de la femme ? L'amour, 1858, Jules Michelet. Je sais, Blandine Krigel, que vous avez Michelet sur votre table de chevet. Et je trouve étonnant qu'une philosophe lise et relise constamment Michelet. Donc je voudrais que vous me parliez de cette lecture amoureuse de Michelet. C'est tout à fait vrai. J'aime Michelet d'un amour qui ne s'est pas démenti depuis de longues années. J'aime l'artiste, j'aime le philosophe et j'aime l'historien. Et soyons honnêtes, la raison pour laquelle j'ai lu Michelet, c'est parce qu'en philosophe, je me suis intéressée d'abord à la constitution de l'histoire savante au XVIIe, XVIIIe siècle, c'est-à-dire à l'historiographie. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'extraordinaire chez Michelet ? Font ces deux, trois choses, disons. Sa révolte, parce que Michelet est quelqu'un d'immensément révolté. J'imagine qu'on a déjà dit et redit toute son histoire personnelle, qu'il était le fils d'un imprimeur, que son père avait été gardien au temple, qu'il a été un enfant, au fond, très pauvre, qui s'est jeté ensuite dans le travail. Et il partage, au fond, toute cette révolte du peuple du XIXe siècle, qui n'a pas encore accès de plein droit à la vie politique et à la vie sociale, mais qui vient après ce grand moment de révolte populaire qu'a été la Révolution française. J'aime aussi son mysticisme, à Michelet. Ah oui ? Oui. Son mysticisme, et surtout, si vous voulez, qu'est-ce qui m'emballe véritablement, c'est cette forme française du romantisme. Parce que, en vérité, il y a plusieurs romantismes. Il y a le romantisme allemand, qui est un romantisme en quelque sorte hard. Et, tandis que le romantisme de l'école française, que pour moi, Michelet incarne le plus, parce que Michelet, je trouve que c'est au fond le Hegel français. Nous n'avons pas de grands philosophes comme les Allemands au XIXe siècle, mais nous avons une part de très grands écrivains, Balzac, Flaubert, Stendhal, mais nous avons surtout une école historique admirable. Et Michelet, c'est ce Hegel français, ce romantique de la pensée française. Mais ce qui me plaît infiniment dans ce romantisme français qui est celui de Michelet... C'est un romantisme de pensée ou de style pour vous ? Je dirais les deux, et plus de pensée que de style, parce que le style de Michelet est pseudo, à mon sens, pseudo-romantique, dans la mesure où il y a d'abord du naturalisme chez Michelet, un peu comme chez Zola, un naturalisme justement qui est lié au mysticisme, des descriptions, mais il y a surtout, si vous voulez, alors là ça c'est évidemment romantique, cette présence permanente de l'écrivain, du je pense, disons-le dans un langage philosophique, oui. N'est-ce pas ? Michelet coupe sans arrêt son récit de sa propre pensée, d'ailleurs il l'a. Oui. Bon, mais alors, je reviens reviens sur cette opposition entre le romantisme allemand et le romantisme français, l'école française. Pour moi, Michelet, c'est la quintessence de l'école française et surtout de l'école historique française en tant qu'elle s'intéresse au temps. Parce que le romantisme allemand, chacun le sait, n'est pas apporté une grande philosophie de l'histoire, une philosophie du temps, mais c'est une philosophie, au fond, de la catastrophe. C'est une philosophie des actes héroïques, c'est une philosophie du temps perdu, la philosophie de l'histoire allemande. On insiste sur le drame, sur l'héroïsme, sur la catastrophe. Tandis que ce qu'il y a de grandissime dans l'école française, en tout cas ce que j'aime, et qu'on retrouve dans ce romantisme français, pour paraphraser Proust, mais je crois que Proust, si vous voulez, est le résumé enfin, de cette école française, c'est Proust ou Foucault, parce qu'il y a un lien, aussi étrange qu'il y paraisse, entre Michelet et Foucault, c'est la philosophie du temps retrouvé. C'est-à-dire que dans l'histoire, il y a des luttes fracassantes, il y a des oppositions fracassantes, mais finalement, au-delà du drame, au-delà de la tragédie, au-delà de la lutte du bien et du mal, eh bien, si vous voulez, il y a un reste qui est un retour, un pardon et un progrès. Alors que le romantisme allemand, finalement, voit dans l'histoire, alors vous me direz, ce n'est pas tout à fait vrai pour Hegel, mais ça finit par la fin de l'histoire. Et surtout, si vous voulez, c'est une philosophie de l'histoire qui fait une place, à mon avis, démesurée aux héros, à l'héroïsme, aux grands hommes, à l'esprit du monde à cheval, alors que la philosophie de Michelet est tout à fait à l'inverse, n'est-ce pas ? Pour Michelet, il n'y a qu'un seul héros. C'est le peuple, hein, c'est-à-dire en fait, c'est le peuple qui fait l'histoire et il n'y a finalement qu'un seul protagoniste, enfin c'est la liberté et la justice, c'est l'histoire de la justice. Alors le peuple, vous le voyez comme un mythe ou vous le voyez comme la naissance d'un personnage historique chez Michelet ? Mais les deux, qu'est-ce qui est grand chez Michelet ? Michelet n'est pas qui a eu sur la Révolution française des mots définitifs, et en particulier contre la religion de l'amour, contre la religion de la grâce à laquelle il a opposé la religion de la justice et de la loi. Pourtant, c'est un homme, si vous voulez, d'une infinie charité, d'une infinie compassion, et en particulier son peuple. D'abord, c'est le peuple de la femme, délaissée pour compte, au fond, les protestants, les juifs, les humiliés. Les minorités. Oui. Les minorités, il y a un droit de la minorité. Le peuple, n'est-ce pas ? C'est le droit de la minorité qui se fait majorité. Et puis, alors, surtout, ce qui est aussi extraordinaire chez Michelet, alors on le voit dans le tableau de la France, qui est un résumé de la France à partir d'une géographie physique et humaine de la France. Pour Michelet, c'est son premier texte, oui. Enfin, 1830. 1833. Pour lui, qu'est-ce que c'est que le peuple ? Le peuple est un résultat. C'est comme Hegel dit que le concept n'est pas au début qu'il est à la fin. Eh bien, c'est la même chose pour Michelet. Le peuple, au fond, est un résultat. Et d'ailleurs, il insiste beaucoup, puisqu'il a cette vision romantique des races, si vous voulez, des différentes ethnies, on dirait. Ce n'est pas du tout un sens racialiste. Hein. Il parle des Celtes, il parle des Saxons, il parle des Latins. Le génie des peuples. Mais ce qui forme un peuple, ce que c'est qu'un peuple, là, c'est d'ailleurs une conception qu'il a empruntée à Herder, enfin, au mouvement romantique allemand. Une nation, c'est la conception nationale, le principe de nationalité. Pour lui, ce qui forme un peuple, c'est la durée d'une communauté enracinée dans un territoire et dans une langue. Au départ, si on s'en tient à la lettre, eh bien, on trouvera chez Michelet une vision romantique, mais on pourrait presque penser qu'elle est tangente à la vision de Fichte, n'est-ce pas, du peuple, de la nation. Et pourtant, à mesure qu'on le lit, c'est quelque chose de tout à fait différent. Puisque pour lui, un peuple n'est jamais un peuple originaire comme pour Fichte, n'est-ce pas ? Ce n'est pas un Urvolk, c'est au contraire. Le peuple n'est pas, encore une fois, au début, il est à la fin, ce qui a fait la nation française. C'est ça qui est très intéressant quand on regarde le tableau de la France. Michelet commence par les bords extrêmes, et le bord le plus extrême, la Bretagne. Il commence par la Bretagne, et si vous voulez, il remonte les marches, le Languedoc, la Provence, la Lorraine, la Picardie, et seulement après, il rentre à l'intérieur. Et par conséquent, qu'est-ce qui forme un peuple ? C'est une communauté qui s'accomplit à travers une rencontre, dans un espace, le long d'un temps, et c'est ça, pour lui, qui fait l'histoire. Voilà le seul acteur de l'histoire. À Monsieur Ten, rue du Dragon, 1855. Monsieur, vous m'avez accablé d'éloges comme écrivain, et votre article est très fort et très sérieux, sauf qu'il est partial en un sens. Seulement, nouveau dans la critique, vous ignorez encore que ce nom de poète que vous me décernez est justement l'accusation sous laquelle on a cru jusqu'ici accabler l'historien. Ce mot a répondu à tout. J'ai eu beau donner à l'histoire une base sérieuse et positive dans une infinité de points, On n'en a pas moins écrit partout que j'étais un historien d'une heureuse imagination. Je vous salue cordialement et vous prie de croire à ma gratitude. Jules Michelet. Je suppose, Daniel Ben Saïd, que vous avez lu très tôt Jules Michelet, parce qu'on n'écrit pas le Paris mélancolique, on n'écrit pas moi la Révolution, sans un petit peu cette imprégnation de ces personnages qui ont été suscités par Michelet. Et vous m'avez dit que vous faisiez cours sur Michelet à vos étudiants. Les cours passent par Michelet. En fait, il y a plusieurs chemins qui ramènent à Michelet. Peut-être que on le lit trop tôt. C'est un auteur qui a tout de suite un petit peu une allure ou une réputation scolaire obligée. Et puis, en tout cas, pendant la Troisième République, il fallait passer par lui. Mais bon, alors peut-être on le lit un peu moins parce que comme historien, il apparaît aujourd'hui plus daté par rapport aux méthodes de l'histoire. Mais en revanche, ce qui de toute façon est inévitable, c'est que c'est le grand écrivain. Et d'ailleurs, il a lui-même un doute un petit peu sur son statut, en disant que quand il se laisse aller à oublier sa méthode d'historien, il redevient écrivain, que l'écrivain prend le dessus sur l'historien. Mais c'est cette tension entre l'historien méthodique qu'il est dans le travail sur les documents et dans la recherche, vu les conditions de l'époque, et l'immense écrivain qui crée un véritable univers d'écriture au même titre, je crois, que Rabelais, que Balzac ou que Proust d'un autre genre. Alors bon, on revient à Michelet. Quand j'en parle avec les étudiants, c'est surtout comme un historien, je dirais, hétérodoxe d'une certaine manière, c'est-à-dire un historien qui est à la fois, comme le disait Peggy, mémorialiste et chroniqueur, ce qui aujourd'hui est considéré justement un petit peu comme un genre secondaire ou un genre mineur de l'histoire, ou une sorte de préhistoire d'une certaine manière, alors qu'au contraire, je crois qu'il y a là tout Michelet, c'est-à-dire dans le refus de la division intellectuelle du travail, dans le refus de ce qu'il appelle dans plusieurs textes le machinisme, et le machinisme aussi bien le machinisme des machines dans Le Peuple, qui est une critique de la fabrique ou de l'entreprise moderne, que ce qu'il appelle le machinisme des jésuites, d'une pensée machinique, et qui est en fait est une mécanique de pensée, est une mécanique positiviste, à laquelle Michelet oppose toujours une œuvre vive, c'est-à-dire une écriture qui est une écriture d'art, dans laquelle le vivant est toujours présent. On n'a jamais affaire à un squelette ou à un schéma historique. D'ailleurs, il le dit, son propos, le terme qui revient sans arrêt, c'est l'histoire comme résurrection. Et finalement, si je suis revenu à Michelet, si Michelet est quelqu'un qui compte à ce point, j'y suis revenu à la fois à travers Peggy, et la Clio de Peggy, et bien que Walter Benjamin ne le cite pas, mais aussi à travers Benjamin, qui lui aussi oppose le chroniqueur, c'est-à-dire celui qui tient registre de mémoire, qui entend sauver justement tous les oubliés, tous les humiliés, et ne rien laisser perdre de l'histoire. Donc il y a ce travail de chroniqueur qui est un travail contre l'oubli, et Michelet se fait volontiers chroniqueur. Dans l'histoire de la Révolution française, c'est quelque chose de patent, mais cette œuvre de résurrection, on pourrait traduire qui est aussi une œuvre de rédemption, hein, quand il dit de façon extraordinaire « j'ai vengé comme j'ai pu » les simples du mépris du monde. Voilà, sauver du mépris. La tâche d'historien pour Michelet est une tâche de rédemption avant tout. Et je crois que c'est ce regard sur l'histoire, ce rappel du passé au présent, qui fait une force d'écriture, qui fait qu'on ne peut pas considérer Michelet comme un historien parmi d'autres, mais avant tout comme un artiste. Et Peggy le compare sans arrêt à Rembrandt, à Beethoven. Dit bon, en fait, Michelet, c'est d'abord une œuvre. Bon, c'est quelqu'un qui plonge, qui se jette à l'eau complètement dans ce flux de l'histoire et qui est, de ce fait-là, est en dialogue, vit de l'intérieur et les personnages et le mouvement de l'histoire. Et je crois que bon, ça c'est cette tension permanente. Alors aujourd'hui, on oppose volontiers la scientificité de l'histoire à la subjectivité de la mémoire. Je crois que tout Michelet, au contraire, est dans la conjugaison des deux. Il prend à bras le corps, ou en tout cas, il s'installe délibérément dans la tension entre mémoire et histoire. Et cette tension-là fait qu'on ne peut parler de l'histoire que sous le mode d'un grand récit, qui est le récit romantique, mais qui a aussi une fonction politique, il ne faut pas l'oublier, puisque sur la Révolution française, Michelet Il emprunte le vocabulaire au débat littéraire de l'époque, mais il distingue la révolution classique, dont, dans leur référence à l'Antiquité, et Robespierre et Saint-Just sont des figures emblématiques, à la révolution romantique. Mais ce qu'il appelle la révolution romantique, c'est la part inachevée de la révolution française. C'est la permanence de la révolution française dans l'image de la France, telle qu'il la développe encore dans Le Peuple ou tout au long de son œuvre. Ce qui meurt, c'est l'artificiel. La ruine de Napoléon fut d'avoir cru que les nationalités s'effacent. Quand il a frappé sur l'Allemagne ses redoutables coups d'épée, un sur le Midi, Austerlitz, un sur le Nord, Iéna, alors s'élève la voix de Fichte qui nie ce réel vaincu. Le monde, pure création de notre esprit. Et lorsque l'Angleterre, devenue banque et boutique, croit avoir tué la France et qu'elle s'est changée elle-même, il reste un Anglais à qui cette victoire de marchand fait mal au cœur. Il quitte cet orgueilleux Albion déchu, se moque de sa fausse victoire, et cet Anglais désabusé de tout, Byron, s'en va mourir en Grèce. 19 avril 1824. Géricault l'a précédé de quelques mois. Il est mort le 18 janvier, à l'âge de 34 ans. Vous nous avez habitués, Pierre Nora, à une sorte de passion d'historien pour Michelet. Et cette passion d'historien s'est, en 1998, transformée en une sorte de critique très corrosive de Michelet, avec la présentation d'un Michelet dominé, lui, par une passion identitaire. Vous avez publié ça sous la forme d'un article qui s'appelle « Michelet ou l'hystérie identitaire ». Alors, entre votre propre passion pour Michelet et la passion identitaire de Michelet, comment est-ce que vous vous en sortez ? Bah, je m'en sors en étant un peu écartelé entre un culte pour Michelet et une espèce d'horreur, un mélange de fascination et de répulsion. Et répulsion ? À beaucoup d'égards, oui. Répulsion pour précisément sa folie nationaliste, pour son hyper-identification nationale française, où, en particulier dans Le Peuple, on peut voir la présentation d'un Michelet anti-ouvrier, anti-moderne, voyant la France incarnée par... Anti-industriel, mais surtout... Le petit propriétaire paysan, supérieur à tout, le petit franchouillard, bon mal, bon héros, et supérieur à toutes les autres nations, d'un antisémitisme fulgurant et violent, qu'il a été toute sa vie. Et donc, il y a un Michelet, si vous voulez, de gauche, un Michelet de droite. Michelet a été exploité à la fois par Péguy et par la droite. Il a été par Malraux d'un côté, mais par Lucien Febvre de l'autre. En fait, il y a plusieurs Michelets, au fond, dans l'histoire. Il y a eu le Michelet romantique, celui dont on vantait l'écriture, le grand poète romantique, qui détestait lui-même, qu'on trouve en lui, que Taine, par exemple, trouvait en lui. Et puis, il y a eu, à la fin du siècle dernier, le Michelet père de la patrie, qui a été beaucoup d'ailleurs fabriqué par la veuve de Michelet, qui a fait les éditions tronquées, qui a fait les morceaux choisis et qui a fait de Michelet une sorte de père de la Troisième République à cause de son apologie de la Révolution française. Et ça a coïncidé avec le centenaire de sa naissance en 1898 et qui s'opère très curieusement au moment où la Sorbonne nouvelle, qui est en train d'élaborer sa propre théorie de l'histoire d'une manière scientifique, avec en particulier Lavis, Monod et toute l'école qu'on a appelée positiviste, fait une réaction violente contre Michelet intellectuellement. sauf peut-être, et bizarrement, le chef de cette école, Gabriel Monod, qui avait un culte très personnel pour Michelet, qui avait habité le même immeuble que Michelet, qui gardait les papiers de Michelet sous son lit, et qui a fait au Collège de France une série de leçons sur Michelet qui ont abouti à ce livre sur la pensée de Michelet. Et magnifique d'ailleurs, quel, un peu austère, reste un très grand livre. Mais parallèlement à ce rejet officiel de l'université, il y a eu une adoption commémoratrice très forte qui s'est faite d'ailleurs par des fêtes au Père Lachaise et qui a abouti à l'exaltation d'un Michelet Troisième République. Et puis à ce Michelet très officiel, au fond c'est le Michelet d'Emmanuel Scolaire, c'est le Michelet de l'histoire de France classique, a succédé progressivement d'autres figures de Michelet. En particulier, il y a eu le Michelet qu'on pourrait appeler résistant, et qui d'une certaine façon commence précisément avec Peggy, et qui voit en Michelet une sorte de figure incarnatrice contre la Sorbonne et contre la vis qu'il détestait, mais qui se poursuit jusqu'à Malraux, qui au comité de lecture de la NRF, on me le racontait, déclamait du Michelet par cœur et a encouragé d'ailleurs via l'annexe à faire son travail sur Michelet, puisque c'est à Vialanex qu'on doit la publication du journal. Et puis, il y a eu là-dessus, dans ce National Résistant d'ailleurs, il y a eu Lucien Febvre, qui a fait en 1942-43 un cours sur Michelet. Superbe. Qui incarnait une sorte de manifeste, disons, de la résistance, entre guillemets. C'était une forme d'indépendance qu'il voulait manifester. Et par là, on fait la transition avec un Michelet qui est celui des annales. Le Michelet de la préface de Jacques Le Goff aux œuvres complètes au Moyen-Âge, qui est, disons, le Michelet qui va coïncider avec la découverte du journal dans les années 50 et la publication alors d'un Michelet, la découverte d'un Michelet qu'on ne peut comparer dans son importance qu'à ce qu'a été la découverte pour Proust du Contre Sainte-Beuve et du Jean Santeuil, c'est-à-dire que il est apparu tout d'un coup comme un tout autre personnage qui était l'historien de lui-même, un écrivain moderne qui projetait son moi d'une façon précisément qu'on peut appeler un peu hystérique dans la France et au point de la voir comme une âme et comme une personne comme il l'a fait lui-même. Et effectivement, vous faisiez allusion à cet article que j'ai commis sur l'hystérie michelessienne, mais parce que je crois que c'est un mot que, d'ailleurs, avec Le Goff, je crois que c'est Le Goff qui m'avait donné l'idée de faire ça, puisque c'est lui qui présidait le colloque, et on avait un petit peu reculé devant ce mot hystérique. Et puis en fait, en y réfléchissant, il est tout à fait adapté à Michelet. Michelet était un grand hystérique. D'abord son style électrique, télescopage, fulgurant, est un style d'hystérique. D'autre part, lui-même, dans sa vie, donne des signes d'hystérie permanente. Même sa découverte de l'histoire a quelque chose d'hystérique, puisque vous savez qu'on l'emmène au Musée des Monuments Français quand il a 8 ou 11 ans, je me souviens plus, et que devant ces gisants de le noir du Musée des Monuments Français, le petit Michelet s'évanouit. Et il a comme une espèce de révélation, de hantise de ces... Et il a cette phrase d'ailleurs superbe, « Je n'étais pas bien sûr qu'ils ne vécussent encore, ces blancs dormeurs de marbre étendus sur leur tombe, doucement, messieurs les morts !» Il a une sorte d'hallucination de ces gisants qui se réveilleraient et qui viendraient l'assaillir, « Doucement, messieurs les morts !» C'est une phrase magnifique. Mais toute sa vie, à la fin de sa vie, il a voulu que... C'est d'ailleurs quelque chose qui était assez répandu à l'époque. Il avait peur qu'on l'enterre vivant. Et donc, il a demandé que son corps soit exposé pendant 3 jours et qu'on scarifie l'épaule pour être sûr qu'il était mort. Et puis, quand il écrivait les massacres de septembre, il avait des saignements de nez. Il avait, au moment de la peste noire et quand l'écrivant, des coliques. Enfin, c'est un homme qui vivait si intensément la passion historienne qu'il était un gros psychosomatique, disons. Mais une psychosomatique qui allait jusqu'à l'hystérie. Puis, ses rapports avec les femmes, ce bisexe qu'il s'est voulu... Et puis, ça va, je crois, beaucoup plus loin que ça. Il a, dans l'écriture de l'histoire de France, obéi à des rythmes qui sont d'ordre de la révélation, qu'on n'ira pas appeler elle-même hystérique, mais si on veut bien admettre que l'hystérie, c'est une manière de vivre physiquement jusqu'à l'extrême par des symptômes physiques, des émotions mentales, il les a revécues à l'intérieur de son œuvre. Il le raconte lui-même dans la préface. Le début de l'histoire de France, c'est une révélation. au sens fort du mot. Juillet, un grand éclair se fit et j'aperçus la France. C'est la première phrase. Un grand éclair se fit et j'aperçus la France. Et puis, il commence à écrire ce Moyen-Âge, qu'il écrit pendant une dizaine d'années. Et quand il a terminé, il va directement aller sur la Révolution française par une espèce de deuxième révélation qu'il présente, du moins comme telle, c'est-à-dire qu'il va à la cathédrale de Reims et bizarrement, il voit dans le clocheton la couronne des suppliciés dominée par la figure royale. Et il a l'impression que le sang de ces suppliciés tombe dans l'Église et véritablement qu'il ne comprendra quelque chose au siècle monarchique que quand il aura en quelque sorte rendu compte de ce long calvaire du supplicié. Il a la révélation, autrement dit, du peuple, que l'histoire vient d'en bas. Autre scène complètement, je dirais, hystérique, c'est celle qu'il entretient en permanence avec la mort. Tout le monde, je dirais, a peur de la mort, mais, et tout le monde vit un rapport à la mort, mais qu'il en ait fait le nerf de son expérience existentielle et le nerf de son rapport à l'histoire, puisque, après tout, qu'est-ce qu'il a inventé ou qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu faire la résurrection intégrale du passé. Le mot même résurrection suppose une forme de mort. Et c'est en effet au moment où il a commencé à veiller sa première femme, qui était morte, je crois, en 1839, et qui était une femme qui était un peu inférieure à sa propre condition, et comme beaucoup d'intellectuels du XIXe siècle, il avait épousé quelqu'un qui n'était pas de son rang, si j'ose dire, et il s'était consacré à son œuvre. Il était devenu professeur au Collège de France, grand directeur de la section historique des archives, bref, un homme arrivé, et elle ne l'a pas suivi dans son ascension sociale et mentale, et au moment où elle est morte, il a vécu une sorte de dépression, de ce qu'on appellerait aujourd'hui une très très forte dépression, qui l'a mené à l'intimité du rapport à l'histoire, et il a visiblement investi dans l'image de cette femme, morte sans avoir probablement dit ce qu'elle avait en elle, et lui culpabilisé très fortement de n'avoir pas entendu cette parole du peuple non dite, et il a dans son journal des phrases que tout historien a aujourd'hui dans son cœur. S'il faut faire parler les silences de l'histoire, ces moments où elle ne dit plus rien et qui sont précisément ses instants les plus tragiques. Et ben, ce sentiment profond de ce que c'est dans le peuple, dans le non dit de l'histoire, qu'il faut trouver la vérité de cette histoire, qu'il faut la faire parler. C'est une intuition d'historien qui fait de lui un historien de type moderne, pour qui toute l'histoire est en quelque sorte humaine, où l'histoire est faite par les hommes, pour les hommes, mais qui doit en même temps rendre justice aux hommes, et qui fait de l'historien qu'il va devenir après une sorte de magistère, d'administrateur des morts, comme il dit, qui leur rend ce qu'ils n'ont jamais dit, ces mots qui restèrent au fond des cœurs, fouillez le vôtre, ils y sont. Ce sont des paroles pathétiques, je dirais, et qui, pour un historien de type moderne, sont à la fois passionnantes et inquiétantes. Et c'est ce Michelet-là qui, dans les années 50, a été, au fond, je dirais, de trois côtés, investi très fortement. Du côté de l'édition, par la découverte du journal, du côté de l'université, par l'École des Annales, qui, contre la Sorbonne de la fin du XIXe siècle, a redécouvert un Michelet qui voulait à la fois plus d'histoire matérielle et plus d'histoire spirituelle, qui voulait une histoire totale, le mot est typique de l'École des Annales, et qui avait une vision globale, totale, charnelle, abyssale de l'histoire, qui lui donnait des curiosités inimaginables. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire les pages sur le café, par exemple, qui sont ahurissantes, mais il y en a beaucoup d'autres sur des tas de domaines qui prouvent chez lui une curiosité inlassable pour des objets matériels. Enfin, le corps, par exemple, qu'il a été un des premiers historiens à essayer de mettre en scène. Ça, c'est le deuxième investissement, c'est l'École des Annales, c'est le Michelet sur lequel, d'ailleurs, soit dit en passant, ça n'a pas été beaucoup remarqué, se terminent les leçons inaugurales du Collège de France à la fois de Duby et de Braudel. la voix de Michelet que l'on aurait pu croire à jamais silencieuse. Et l'autre, c'est aussi, il faut faire revivre ce Michelet qui... Donc, il y a un Michelet anal. Et puis, il y a un troisième Michelet qui a été celui de Barthes. Le petit livre en 1954 de Michelet, le petit Barthes dans la collection des éditions Michelet Seuil, a été Michelet par lui-même, sur lequel on vit encore. Et mon article sur l'hystérie, je l'aurais jamais fait sans évidemment le Michelet de Barthes, qui décèle chez Michelet une sorte de réseau inconscient d'obsession maladive et projective. C'est un Michelet psychanalytique, d'une certaine façon, qu'il révèle. Et c'est ce Michelet-là qui nous a tous réattachés, à beaucoup d'égards, à Michelet. Et puis, il y a peut-être, je crois, aujourd'hui, un Michelet nouveau qui s'esquisse, c'est que ce bicentenaire permettra peut-être de remettre à jour, qui est un Michelet, je dirais, qui serait plus historique, plus social aussi, lié à l'immense publication des cours de Collège de France, de la biographie de Vialanex, de la correspondance générale qui est immense, et toute cette effervescence contraste énormément avec l'inintérêt du public pour Michelet. C'est très curieux, vous savez que Flammarion n'a même pas pu ni voulu aller jusqu'au bout de la publication des œuvres complètes pour lesquelles il avait cependant des financements du CNL, parce que ça ne se vendait pas du tout. Parce que c'était très cher aussi. C'est très cher, parce que les petits livres de Michelet qui sont publiés, soit dans les collections parce de poche que le de Gallimard, ou dans les collections de poche de Flammarion, se vendent. Oui, mais enfin, c'est bizarre, et j'en profite, si vous faites quand même, je pense que je ne serai pas le seul dans votre émission, à faire quand même un grand appel à des concours qui ne seraient pas faciles à réunir, mais qu'on doit réunir, pour achever les œuvres complètes, dont 14 volumes sont parus, dont il reste 6 volumes à apparaître, qui sont pratiquement prêts sous la direction de Vialanex. Le problème éditorial n'est pas simple. De faire une édition luxueuse pour un Michelet. C'est probable. C'est probable et c'est un grand problème. Mais maintenant que c'est parti comme ça, 6 volumes, c'est quand même dommage que ce ne soit pas terminé. Et donc, il me semble, si vous voulez, que sur la base de ce renouveau que peut-être votre émission contribuera d'une certaine façon à donner, qui s'encadre dans le Michelet du bicentenaire, il y a ce Michelet de gauche, de droite, ce Michelet qui est, à sa façon, un homme dont ont pu se réclamer toutes les familles spirituelles françaises, et qui fait que on projette dans Michelet tout ce qu'on veut en projeter. Il y a un Michelet d'extrême gauche et un Michelet à la limite d'extrême droite. Vous pouvez trouver des phrases dans Le Peuple qui sont pas loin de ce que Le Pen dirait, au scandale, mais aussi de ce que Thorez aurait dit. Mais aussi un Michelet de Gaulle, un Michelet Pétain. Il y en a pour tout le monde dans Michelet. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui est sa grande réussite. Sa grande réussite étant d'abord et avant tout une réussite littéraire. Il faut dire que c'est avec peut-être Chateaubriand, Proust, Saint-Simon, un des trois ou quatre plus grands écrivains français, qu'il y a un plaisir à le lire qui dépasse toutes les réticences qu'on peut avoir, soit vers l'historien, soit vers l'idéologue. Si on essaye de voir ce qui a été votre émotion la plus sensible à l'occasion des lectures de Michelet, qu'est-ce que ça représente, ces lectures, pour vous, Paul Vialanet? Au fond, mes premières émotions datant de la guerre, ou des lendemains de la guerre plus précisément, ma première émotion, c'est quand j'ai découvert, si je puis m'exprimer ainsi, quand j'ai découvert, en lisant l'histoire de France, ce que pouvait être et même ce que devait être une nation. Et j'ai beaucoup aimé, et cela m'a beaucoup libéré, parce que je me demandais ce que c'était que la France, surtout après l'épreuve qu'on avait traversée. Qu'est-ce que c'était que la France ? Après 1940. Ah oui, après 1940. Bon. Et au lendemain de la guerre en particulier. Et j'ai été très impressionné par le soin qu'il prend à dépeindre la naissance d'une nation. Car la nation ne tombe pas du ciel, c'est le cas de le dire. Elle naît plutôt de la terre, d'où l'importance du tableau de la France. Elle naît de la terre, elle naît des lieux, elle naît des villages, elle naît du travail du paysan dont il parle si bien. La terre, dans la mesure où elle est cultivée, labourée, devient la terre de quelqu'un, d'un homme, d'une communauté, devient une patrie. Elle est faite par l'homme en même temps qu'elle s'impose à l'homme. Il y a une première dialectique, vous voyez, entre la terre comme contrainte et la terre comme instrument de libération, comme marque de libération. Donc j'ai appris là à me faire de la nation une idée extrêmement charnelle. Je parle comme Peggy, mais c'est à dessein, puisque Peggy sort de Michelet. Et en particulier, la France de Peggy, c'est absolument la France de Michelet. J'ai appris cela. Mais j'ai appris aussi qu'une nation, et la nôtre en particulier, n'était pas une race, mais absolument pas une race. Qu'elle était faite nécessairement d'un mélange de races, si on veut employer ce mot, parce qu'en réalité, qu'est-ce que c'est qu'une race ? Michelet fait exploser cette idée que les races sont indestructibles. Pour lui, la race est ce qu'il y a de plus mouvant, oui. de plus changeant. À condition qu'il y ait une nation capable de réunir des races au lieu de les laisser les unes à côté des autres en son sein. Et j'ai compris que la France, c'était ce mélange de races, ce mélange d'influences, et favorisé d'ailleurs par la position géographique de notre pays à l'extrémité occidentale de l'Europe, où elle a littéralement reçu toutes les invasions, et qui sont venues mourir, pour ainsi dire, là. Donc les gens se sont mêlés. Et Michelet explique que, il le dit presque en employant ce terme, que si la France est pour lui un très grand pays, peut-être la plus grande nation d'Europe, c'est parce qu'elle est la plus bâtarde, la plus mêlée. Elle est de sang mêlé. Et Michelet m'a vraiment donné au départ une sorte de culture politique à laquelle, je dois dire, je suis resté fidèle. Voilà. C'est lui aussi qui m'a introduit, pour ainsi dire, à la Révolution française. C'est tout de même en lisant le récit de la prise de la Bastille, mieux que cela, le récit de la nuit du 13 au 14 juillet, qui est un texte absolument extraordinaire, où il dit le 13 juillet au soir, rien ne se passait, le 14 au matin, etc., tout est déclaré, etc. Cette représentation de la rupture révolutionnaire, moi, m'a beaucoup marqué, et j'y reste encore très attaché. Robespierre, la tête enveloppée d'un linge sale taché d'un sang noir, qui soutenait sa mâchoire détachée dans cette horrible situation que nul vaincu n'eut jamais, portant l'effroyable poids de la malédiction d'un peuple, gardait sa roide attitude, son ferme maintien, son œil sec et fixe. Son intelligence était tout entière, planant sur sa situation et démêlant sans nul doute ce qu'il y avait de vrai et de faux dans les fureurs qui le poursuivaient. Le flot de la réaction montait si vite et si fort que les comités crurent devoir tripler les postes des prisons. Surtout le passage des condamnés se précipitait de prétendus parents des victimes de la terreur pour aboyer à Robespierre, jouer dans cette triste pompe le cœur de la vengeance antique. Cette fausse tragédie autour de la vraie, ce concert de cris calculés, de fureurs préméditées, fut la première scène de la terreur blanche. L'horrible, c'était les fenêtres, louées à tout prix. Des figures inconnues qui depuis longtemps se cachaient étaient sorties au soleil. Un monde de riches, de filles paradait à ses balcons. À la faveur de cette réaction violente de sensibilité publique, leur fureur féroce osait se montrer. Les femmes, surtout, offraient un spectacle intolérable, impudente, demi-nue sous prétexte de juillet, la gorge chargée de fleurs, accoudée sur le velours, penchée à mi-corps sur la rue Saint-Honoré, avec les hommes derrière. Elle criait d'une voix aigre, « À mort, à la guillotine !» Elles reprirent ce jour-là hardiment les grandes toilettes, et le soir, elles soupèrent. Personne ne se contraignait plus. De Sade sortit de prison le dit Thermidor. Le soir, ces mêmes bacchantes coururent à Sainte-Pélagie, où était la mère Duplay, criant qu'elles étaient les veuves des victimes de Robespierre. Elles se firent ouvrir les portes par les geôliers effrayés, étranglèrent la vieille femme et la pendirent à la tringle de ses rideaux. A été baigné, frotté de Rousseau de part en part. Bon, Daniel Ben-Saïd. Chez Rousseau, la patrie, c'est une communauté élective, c'est une communauté politique avant tout. Malgré le vocabulaire et l'étymologie latine, la patrie n'est pas définie par la naissance comme le sera la nation, par exemple. C'est beaucoup plus une notion politique qu'une notion de terroir, en tout cas chez Rousseau. Michelet, peut-être, il faut admettre la possibilité d'une ambiguïté. Mais en tout cas. Une ambiguïté de lecture. D'une ambiguïté entre ces deux notions qui ne sont pas très clairement démêlées dans la dynamique même de la Révolution française, où la patrie s'ouvre à l'universalité, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est l'accueil de l'étranger dès lors qu'il partage les idées et les valeurs de la Révolution française, et la nation va se fermer dans ses frontières à travers la guerre étrangère et devenir une entité politique beaucoup plus délimitée, circonscrite. Ceci dit, à l'époque où Michelet écrit, bon, si le peuple est de 1846, l'idée de nation se charge pas encore à ce moment-là, disons des miasmes ou des ambiguïtés nationalistes qui viendront essentiellement vers la fin du siècle, c'est-à-dire après 1870, et à l'époque où l'idée de nation se conjugue autrement, en rapport notamment avec la domination coloniale, avec l'esquisse de l'impérialisme moderne. Donc on ne peut pas faire, je crois, à Michelet, un procès anachronique sur l'usage du terme de nation. D'autant plus que quand il fait, dans l'introduction en particulier au peuple, une apologie de la France, justement comme personnage, quand il parle de la France, il dit « ce qui est inexpiable ». Dans l'idée de la France opposée à l'Angleterre, parce que c'est une référence contraire sur laquelle il revient volontiers, c'est que la France est synonyme de révolution. La France, c'est la révolution qui continue. Donc, je crois que ça serait quand même une simplification extrême, outrancière et en grande partie anachronique de faire de Michelet un vulgaire pré-nationaliste ou un nationaliste avant l'heure. Évidemment, les lectures sont ambiguës, elles peuvent s'emboîter, on peut le faire rebondir et penser que les affinités ou l'admiration, qui est plus qu'une affinité de Peggy envers Michelet, fait rebondir cette ambiguïté-là sur la question de la nation. Mais enfin, je crois qu'il faut le remettre dans son contexte et il me paraît difficile d'en faire une espèce de héros avant l'heure de l'épopée nationale. Michelet, au départ, encore une fois, elles sont des convictions romantiques, assez banales dans son temps. Landine Kriechel. Il est germaniste, il pense que la France vient des invasions germaines. Il dit que le principal ennemi de la France a été l'Angleterre. Au fond, si on part des opinions de Michelet au départ, c'était les opinions de son temps et on peut considérer qu'elles sont totalement dépassées. Mais il a dit que l'historien était un magistrat. Il s'est comparé, vous savez, au poète Camoens, qui était administrateur, je crois, en Inde, des biens des décédés. Gaspard de Coligny, ou telle femme absolument oubliée, une Madame Legros, qui a sorti un embastillé à force de conviction. Elle ne devrait plus exister, elle devrait être oubliée, tous ces gens-là devraient être oubliés. Les vaincus de l'histoire, là, encore une fois, le droit de la minorité, ce sont des gens, normalement, qui sont oubliés. Le devoir de l'historien, c'est de ressusciter ces gens qui, normalement, sont morts afin qu'ils ne meurent pas, parce que l'histoire humaine est plus, si vous voulez, que la simple compilation des victoires et des défaites. Si vous voulez, il y a tout un tableau de la France, il y a un amour de la France, une suscitation de la France, puisque vous savez, il dit que seule la France parmi les peuples, là c'est un peu, on pourrait dire, du nationalisme français, seule la France est une personne, l'Allemagne est une race, l'Angleterre était un empire, mais seule la France est une personne parce que la France a fait la Révolution. Et bon, alors là, évidemment, on en vient à la position de Michelet par rapport à la Révolution française. Bon, puisqu'en fait, d'une certaine façon, on peut dire que l'œuvre de Michelet a culminé dans cet ouvrage qu'il a consacré à la Révolution française. Vous savez qu'il a écrit quand il a été révoqué du Collège de France, dans les années 1847-1848. Et il commence à écrire ça à la mort de son père. Oui, il était d'un milieu tout à fait jacobin, Michelet. Et alors, bon, si vous voulez, pour lui, la Révolution française, c'est là qu'apparaît son mysticisme. Pour lui, la Révolution française... C'est un mystique de la Révolution. Tout à fait, n'est-ce pas? Il dit que la Révolution française, c'est l'avènement de la loi, la résurrection du droit, la réaction de la justice. Alors, on peut se demander comment moi, n'est-ce pas, qui suis dix-septiémiste dans l'âme, qui n'accorde pas du tout à Michelet cette importance qu'il reconnaît la Révolution française, pourquoi je suis quand même infiniment touchée par sa conception. Par cette mystique de la Révolution? Oui, il dit que la Révolution, c'est la mort vivante du christianisme. Pour lui, n'est-ce pas, la Révolution française, comme il le dit, c'est le combat de la justice contre la grâce et de la loi contre l'amour. Hein, nous sommes en plein combat des dieux, si je puis dire, combat des valeurs. C'est la continuation des combats religieux, des luttes religieuses. Oui. La religion de l'amour, la religion de la loi, oui. La religion de la grâce, oui. S'opposent tout au long des siècles, depuis la naissance du christianisme et du judaïsme. Tout à fait. Alors, c'est cette mystique-là, cette perpétuation de ces affrontements religieux sécularisés qui vous emballe. Oui, Michelet pense qu'un dieu n'est pas qui n'agit que par la grâce, légitime selon lui, un roi tyran qui n'agit que par la faveur. Et selon lui, la Révolution française, eh bien, a remplacé, si vous voulez, au fond, ce lien civil fondé sur la grâce ou simplement sur la charité. Elle l'a remplacé par la loi, la justice et l'équité. Et il estime que le XVIIIe siècle est ce qui a accompli cette transformation des valeurs, qu'il n'y a pas simplement un oubli des valeurs dans la modernité, mais une transformation des valeurs qui commence à la Renaissance. On a dit, non sans vraisemblance, que les statues antiques qui sont arrivées jusqu'à nous, statues de marbre, sont les moindres. Les ouvrages capitaux de Phidias, de Praxitèle, furent faits d'or, d'argent, d'ivoire, et ils ont péri. Il en est peut-être de même avec les manuscrits anciens. Peut-être n'avons-nous que les moins précieux. Où sont ces œuvres politiques, célèbres dans l'Antiquité ? Où sont les mémoires de Sylla et ceux de Tibère? Où est le livre où Auguste fit écrire pour lui la description de l'Empire romain? Et Carthage et la Syrie, parentes immédiates du monde juif, comment n'en reste-t-il rien? Là eût été le véritable éclaircissement du peuple biblique, dont les livres, tellement isolés dans la ruine générale des nations sémitiques, reste aussi peu accessible qu'une arche d'un pont rompu au milieu d'un fleuve. Comment est-ce que vous voyez Michel Perrault dans son rôle d'éducateur dans la cité? C'est comme ça qu'il se voyait, lui. Gabriel Monod dira, dans son rôle de prédication civique, démocratique. Il se voyait un peu comme un apôtre laïque. Il était peut-être un peu religieux dans son rôle d'historien en chair. en chair. Il rêvait d'une religion laïque, en tout cas. Oui, oui, oui. Dont la République serait la... L'incarnation, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Il était très, très hostile à l'Église. Et il voyait dans les prêtres, dans les jésuites, avec lesquels il a eu des bagarres sanglantes. Hein. Les jésuites ont fait interrompre son cours à un certain moment. En 48. Dans la papauté, il voyait les mauvais génies de la France. Mmh. Et les mauvais génies de la femme aussi. Là, oui, on retrouve les femmes aussi. Oui. Il avait beaucoup plus de sympathie pour les protestants. Il faut le signaler au passage. Et Edgar Quinet était protestant. Il y a eu d'ailleurs toute une, j'allais dire une tentation, le mot n'est pas bon, enfin un attrait, disons, de beaucoup d'intellectuels, d'écrivains de cette époque-là, parmi les plus engagés pour le protestantisme. George Sand fait partie de ces intellectuels très attirés par le protestantisme. Parce qu'il y avait le problème de la papauté qui était terrible, parce que Michelet est un homme des nationalités. Et il est sensible à toutes les nationalités en formation, la polonaise bien sûr, mais l'italienne aussi. La roumaine. Il y avait d'ailleurs beaucoup d'exilés qui étaient à ses cours, qui faisaient de ses cours une espèce de tribune européenne en quelque sorte. Et la papauté était ce qui s'opposait à l'unité italienne. Donc il était très, très hostile à la puissance romaine. Et vraiment. Oui, il a écrit un Luther pour s'opposer à ça. Il a eu du mal à se démêler avec Luther, parce que Luther est quand même un apologue de la grâce, et Michelet oppose la grâce et la justice. Mais... Alors, ce Michelet-là, qui va refuser de prêter serment à Napoléon III, il a 4 ans de plus que Victor Hugo. Victor Hugo s'exile. Lui est chassé définitivement du Collège de France. C'est un homme engagé, c'est clair. C'est un homme qui perdra tout, qui finira presque misérable, sans argent, avec sa jeune épouse. Il a été chassé, il n'a pas prêté serment. Mais cet homme-là, qui se lance dans la bataille contre les jésuites, que la nièce de Lamartine félicite, bon, étrangement a une passion de la patrie, qui peut paraître, alors là, typiquement, peut-être 19e-miste, mais peut-être même au-delà. Disons comme Barthe, petite bourgeoise. Oui, hein? Je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas si c'est le mot. C'est cette grande question des nationalités que découvre le 19e siècle. Michelet attribue la naissance de la nationalité à la Révolution française. C'est la Révolution qui a accouché de la nation. Et là, il y a une mission civilisatrice de la France, dont Michelet fait l'éloge, qui peut être interprétée comme très patriotiste. C'est au nom de cette mission civilisatrice que la Troisième République et Jules Ferry seront colonialistes. Oui, absolument. D'ailleurs, il n'écrit pas beaucoup sur les colonies, Michelet, parce que c'était quand même un peu tôt. C'est un peu tôt, hein, pour lui. Mais enfin, il n'est pas contre. Mais il n'est pas contre. À un moment donné, il écrit que la France a certainement un rôle à jouer, à porter la lumière ailleurs, puis il ne va pas beaucoup plus loin. Oui, mais il est très identifié à la France, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Il croit à la France, aux vertus de la France, à la France de la Révolution française, hein, pas la France de la Restauration ou de Napoléon III. La France, pour lui, c'est la Révolution française et c'est la République. À la limite, Louis-Philippe, il a été le précepteur des filles de Louis-Philippe. Parce que dans Louis-Philippe, il voyait d'abord quelqu'un qui avait chassé les Bourbons, c'était quand même très important, qui se disait le roi de tous les Français. Qui se disait libéral. Qui était libéral, et qui prenait le drapeau tricolore. Oui. Hein? Donc, au moins au début, et puis il y avait quand même Guizot, l'énigme Guizot, parce que au fond, Guizot a été des tas de choses, mais au début de la monarchie de Juillet, Guizot est un homme qui est très favorable à l'histoire, il est historien lui-même, très favorable à Michelet, qui aide beaucoup Michelet. Sans Guizot, Michelet ne serait pas devenu historien. Absolument, tout à fait. Parce qu'il lui a donné les moyens de l'être, en les lisant, et en les lisant à la tête des archives, et puis en l'aidant à aller au Collège de France. Oui, absolument. Donc, le Guizot, qui ensuite est devenu un homme beaucoup plus fermé dans le domaine démocratique, Michelet, certes, s'est écarté de lui, mais ne l'a jamais... je vais jamais rentrer dans le chou directement. Quoi. Non, mais alors, moi, je reste perplexe parce que je trouve que Michelet pose la bonne question. Oui. Est-ce que la nationalité est un phénomène qui va périr? Est-ce que, bon, de même qu'on peut dater historiquement la naissance du sentiment national, on pourrait en dater la fin? Eh bien, Michelet refuse. Il pose la question. Mais il refuse de clore la nationalité. Pour lui, ça s'inscrit dans l'éternité. Il aura une lignée de lecteurs nationalistes. Je dirais qu'il ne faut pas confondre national et nationalisme. Je crois que les nationalités à l'époque de Michelet sont des modes de lutte contre le pouvoir, notamment le pouvoir aristocratique et monarchique. Nationalité et libéralisme, il ne faut quand même pas l'oublier, sont associés. Nous fêtons cette année le 150e anniversaire de la révolution de 1848. Enfin, la révolution de 1848, c'est quand même une révolution démocratique, sociale et des nationalités. Et que ce soit en Allemagne, en Italie, en Roumanie, à Vienne, qui prend la tête des mouvements nationaux? Ce sont des étudiants, ce sont des intellectuels à gauche. Hein, des intellectuels révolutionnaires. Qui sont révolutionnaires. Au sens du 19e siècle. Et qui, au début de leur mouvement, ne rêvent que d'une chose, c'est de mettre à bas les monarques, ou tout au moins de composer avec eux, pour que les nationalités soient reconnues, mais sous une avec forme la volonté démocratique, du peuple. Avec le suffrage universel, oui. Et avec la volonté du peuple. Et il y a Robert Blum, par exemple, qui est un juif allemand démocrate, qui sera fusillé par le pouvoir des Habsbourg pour avoir voulu proclamer la République. Hein, il ne faut pas oublier ça, c'est oui, mais quand même très important. Ce creuset de pensée, et Michel Perrault, est pour cela, oui. Quand même. Oui, mais c'est vous dites nationalité, nationalisme, c'est pas la même chose. C'est très difficile de faire le partage. Le moment oui. où ça bascule. Ah oui, tout à fait. D'accord. Comment est-ce que naît un Charles Maurras? Comment est-ce que naît même un Charles Péguy? Comment est-ce que naît un Maurice Barrès? Est-ce que ça n'est pas sur le même socle? On peut le penser, et en effet, la frontière est difficile. Il faut être extrêmement vigilant dans ce domaine-là. Moi, je dirais qu'on bascule vers le nationalisme quand on met sa propre nationalité au-dessus de toutes les autres, hein, en disant que la sienne est tellement belle qu'elle est supérieure à toutes les autres et que donc elle a tous les droits. Je pense à Renan qui écrit plus tard que Michelet. Oui. Est-ce que Renan a une pensée de la nation différente? Elle est beaucoup plus élaborée que celle de Michelet. Je pense que la pensée de Renan sur la nation est une pensée plus philosophique. Il va plus loin que Michelet. La nation de Michelet est malgré tout un peu une nation du cœur, il faut bien le dire. Alors juste une chose, Pierre-Nora, le nouveau Michelet que vous appelez à naître, il serait nourri de quelle lecture? Oh, il serait ça. Il serait, si vous voulez, de voir d'abord comment s'est faite cette espèce de construction historique du personnage successif. Très peu d'écrivains auraient ces sédimentations aussi nettes liées à des découvertes de manuscrits, liées à des fabrications de manuscrits ou de livres, comme la Thénaïs Mialaret, qui a véritablement fabriqué un Michelet, bon père de la patrie. Elle, à coup d'anthologie, à coup de pages déchirées. C'est assez drôle, d'ailleurs, parce que, à certains égards, je disais Proust, en vous parlant des anthologies, on peut fabriquer avec Proust, et il a été fabriqué avec Proust, des anthologies qui font un peu la même construction du personnage. Proust est beaucoup sorti de son très petit public après la guerre, quand on a fait des anthologies qui montraient Françoise, les porches des églises, les clochers de Martinville, la cuisine française. Bref, Proust très français, très décharlusisé, si vous voulez. Et il est clair que Athénaïs Mialaret a fait la même chose pour Michelet. Elle a fait un Michelet profondément national, profondément simple, un Michelet pour Victor Hugo, alors que Michelet était un homme mélange de petits bourgeois aux obsessions abyssales, de, de comptable de lui-même et en même temps un extraordinaire Hercule de la pensée. Il n'y a pas d'autre mot. Il a voulu d'ailleurs et il s'est pensé comme cela. Les débuts de Michelet sont ceux d'un philosophe, il faut pas oublier, et il l'a voulu faire une sorte d'épopée de l'humanité, la Bible de l'humanité, comme il dit, mais surtout la liberté de l'homme créé en lui-même. L'homme, comme il dit, est son propre Prométhée. C'est-à-dire que cette conception qu'il a eue d'une histoire sur laquelle il n'y avait pas de point de vue extérieur à cette histoire, et qui fait de lui un homme totalement moderne, c'est-à-dire qu'il a l'impression que l'historien est dans l'histoire et que l'histoire se fait elle-même. Ce livre a fait son père, je lui dois tout, mais aussi la France est fille de la France, l'histoire, c'est pas les rois qui l'ont faite, c'est pas Dieu qui l'a faite, c'est le travail de soi sur soi fait par le peuple. C'est donc cette espèce d'histoire qui travaille elle-même et avec l'historien lui-même qui s'adapte à cette histoire. Et je pense que le travail de soi sur soi que Michelet a fait pour écrire cette histoire de France en fait une histoire radicalement originale par rapport à toute histoire qui serait linéaire et qui obéirait dans sa rédaction à une forme de projet élaboré. Lui, au contraire, c'est dans la mesure même où sa propre vie a nourri sa pensée historienne qu'il a changé d'investissement historien. Par exemple, ce premier Moyen-Âge qu'il a fait était un Moyen-Âge chrétien. Et pendant toute la deuxième période révolutionnaire de lui, il a gommé des pages superbes qu'il avait écrites sur la passion de Jésus-Christ, sur les cathédrales, pour en faire un livre moins chrétien, pour en faire un Moyen-Âge moins chrétien. Il a donc, à tout moment et en fonction même de son présent et de son existence présente, de sa passion, on peut dire, réécrit l'histoire qu'il avait lui-même écrite. Bon, ça, je crois qu'il n'y a pas d'exemple, si vous voulez, d'historien qui ait procédé ainsi. Alors, comment est-ce qu'il fait œuvre ? Comment est-ce qu'il fait œuvre ? Daniel Ben Saïd. C'est une question. C'est comment est-ce qu'on fait œuvre ? Je crois d'abord, c'est un corps à corps, Michelet, un corps à corps avec la matière, de l'écriture, avec la matière de l'histoire. Michelet parle dans ses derniers textes, ce regard rétrospectif sur son œuvre, justement, de ce monstre, l'histoire. Donc, c'est un corps à corps avec le monstre. Et là, il y a quelque chose quand même de titanesque, bon, cette matière énorme, gigantesque, lourde, et dans laquelle j'ai dit tout à l'heure qu'il faisait le va-et-vient, qu'il s'installait dans cette position terriblement inconfortable. Je crois que c'est ça qui est quand même le ressort d'une œuvre, ou d'une œuvre comme celle de Michelet. Oui, le va-et-vient qu'il métaphorise dans le fleuve. Il franchit le fleuve des morts et il en revient. D'où cette tension difficile justement à assumer, qui ne peut se résoudre à mon avis que dans une création littéraire, entre d'une part ce qu'il appelle le sévère jugement de ceux qui furent, et d'autre part leur résurrection. Donc... On a à la fois ce jugement, il est souvent effectivement sévère, si on pense au portrait qu'il fait de tous les grands acteurs de la Révolution française, il n'est pas du tout dans l'indulgence. Bon, on sait que le seul véritable héros est un héros collectif, c'est effectivement le peuple de la Révolution, mais les protagonistes mêmes... Enfin, il est collectif, est-ce que le héros c'est peut-être son père ? Oui, bien sûr, il y a le père, il y a l'origine populaire, enfin il est... Il est fils du peuple déclaré, et c'est ce que lui reconnaît Peggy. Il a connu le peuple, il a connu la misère, et il avouera malgré tout n'être pas parvenu à faire parler le peuple. Ça, c'est peut-être l'échec et la réussite littéraire. C'est le propos de faire parler le peuple et de ne pas y parvenir, mais d'avoir inventé un langage extraordinaire qui fait parler le peuple autrement qu'il ne parle en réalité. Bon, ça, je crois parce qu'il n'écrit pas, le peuple. Parce que le peuple n'écrit pas. Mais il le dit d'ailleurs. Il veut donner la parole à tous les muets. Enfin, c'est le passage que je trouve magnifique, précisément dans Le Peuple, où il dit, bon, les muets que sont les barbares, les sauvages et les enfants, c'est prêter une parole à tous ces muets de l'histoire qui sont, encore une fois, qui sont les vaincus, qui sont ceux qui ne font pas la grande histoire, l'histoire politique, l'histoire de l'événement, et qu'il s'agit de faire entrer. Bon, alors là, on peut dire que Michelet est l'héritier direct de la Révolution. Il est l'héritier de cette irruption où ceux d'en bas se mettent finalement à agir, à parler à leur manière, mais sans laisser toujours les traces qui conviennent. Alors, il y a ces portraits-là, mais en même temps, alors ce que je trouve quand même extraordinaire, notamment dans Le Peuple, qui est un texte charnière, par sa date, entre autres, parce que quand même 1846, c'est 2 ans à peine avant 1848. An avant la mort de son père. Un an avant la mort de son père, et Michelet est dans, finalement, le récit de l'épopée populaire, Le Peuple comme personnage, mais en même temps, il est dans la perception de la fracture du peuple. Ce peuple qui est justement le héros collectif de l'épopée révolutionnaire est en train de se fendre sous les yeux de Michelet. Il y a une préscience dans Le Peuple, on peut dire, de ce que vont être les journées de juin 48 où le peuple est fendu en deux. C'est-à-dire que le peuple, dans le livre, ce n'est plus le bon peuple, tout simplement, homogène, libéré de ses parasites nobiliaires ou aristocratiques. C'est déjà un peuple où sont mis en scène une bourgeoisie qui, dit-il, s'est corrompue en moins d'un demi-siècle, qui s'est épuisée en moins d'un demi-siècle, dont on pressent déjà la cruauté que vont observer Renan et Flaubert dans les journées de juin 48. Et puis, c'est l'autre face du peuple qui est déjà le peuple moderne, c'est-à-dire le peuple ouvrier, et les pages du peuple sur l'aliénation du travail. C'est écrit, je trouve, de manière beaucoup plus convaincante, peut-être moins analytique, mais beaucoup plus convaincante que dans Le Capital. Il y a une description de la fabrique et du rapport de l'ouvrier à la machine qui est quelque chose d'extraordinairement moderne pour le 19e siècle, vu la date. Plus elliptique que dans Marx. Ben, plus elliptique, mais enfin, c'est tout de même, je ne sais pas si on peut trouver rapidement les pages, c'est un souffle extraordinaire. C'est le vide de l'esprit, l'absence de tout intérêt intellectuel est une des causes principales de l'abaissement de l'ouvrier des manufactures. Un travail qui ne demande ni force, ni adresse, qui ne sollicite jamais la pensée. Rien, rien et toujours rien. On a déjà la fracture des classes. Donc, Michelet est un écrivain de transition et même dans sa perception de la Révolution française, quand on la relit attentivement, sa méfiance finalement envers Robespierre et Saint-Just, il les aime pas. Bon. Et plus généralement, les terroristes, dont il rappelle que les terroristes, les Taliens, les Fouché, etc., pour lui, n'étaient pas justement du peuple. C'était déjà des bourgeois. Il y a une cruauté sociale chez eux, d'une certaine manière. Et ce qu'il reproche, moi je l'ai relu ce matin à Saint-Just, dans ses dernières notes, c'est de recommander le partage des fermages seulement et de ménager les propriétés. Autrement dit, pour lui, ils sont du côté de la révolution classique et pas de la révolution romantique. Et la révolution romantique, il n'a aucune indulgence envers des personnages qui sont d'ailleurs pas très sympathiques comme Hébert, mais il rappelle quand même que les victimes, les vraies victimes, c'est Chaumette, la Commune, Clotz, et que finalement, ce sont les réelles victimes de la terreur. Dans ce chevauchement des deux révolutions, la classique et la romantique, il y a une défaite provisoire de la révolution romantique. C'est ça aussi la force de Michelet. Il est toujours finalement à cheval entre l'histoire scientifique et la chronique du mémorialiste. Il est à cheval entre le jugement et la résurrection qui suppose une sorte de sympathie ou d'empathie avec ces personnages. Mais il y a quelque chose de plus fort que le jugement. C'est la mesure du temps quand il voit cette révolution. Et si vous dites vous-même qu'aucun héros n'est à la mesure, personne, pas même Danton, si on peut dire qu'il a une dilection pour Danton, il n'est quand même pas à la mesure de la révolution parce que c'est un temps trop fort. Alors, il a quand même ce sentiment d'un temps démesuré qui n'est accessible à aucun héroïsme. Même son souffle romantique ne pourra pas absorber ce grand vent révolutionnaire. Et il sent très bien que c'est là qu'il y a quelque chose de démesuré. Même dans la petitesse des hommes, aucun grand homme pour ses temps trop héroïques. Même pour lui qui aime l'héroïsme de l'esprit. Enfin, c'est sûrement d'ailleurs ce qui fait aujourd'hui, ce serait à vous de le confirmer, savoir s'il y a un retour ou une redécouverte de Michelet au-delà des coïncidences des dates. Ça ne me surprendrait pas parce que Michelet est un extraordinaire historien de l'événement, justement, de ce qui arrive et aurait pu ne pas arriver. Bon, Jeanne d'Arc, ça tient du miracle. C'est l'improbable qui pourtant se produit. Bon. Et effectivement, je crois qu'il a, il a une idée de la dimension de la Révolution française dont la portée événementielle déborde et tous les rôles et tous les individus. Et c'est en ça, je crois, que les formules de Peggy, qui saluent surtout en Michelet le mémorialiste et le chroniqueur, sont pertinentes. Pour Peggy, le chroniqueur, il prétend lui-même d'ailleurs se faire chroniqueur, c'est être témoin de l'être et de l'événement. Bon, témoin de l'être et de l'événement. Et ça, c'est un rapport, finalement, aux discontinuités de l'histoire, à ces moments où l'histoire excède toute littérature, d'une certaine manière, toute fiction, en tout cas. Et là, je crois que Michelet est à la hauteur de l'événement, ce qui est quelque chose de rare. Hein. Nietzsche disait, finalement, dans la deuxième considération inactuelle, quand on veut juger le passé, des événements qui sont justement des événements énormes, démesurés, disproportionnés, il faut au moins faire l'effort de se hisser à la hauteur de l'événement. La capacité de Michelet, c'est ça. C'est pas quelqu'un qui juge avec des critères ordinaires, des moments ou des temps extraordinaires. C'est quelqu'un qui se hisse à la mesure de l'extraordinaire et qui dialogue avec l'histoire dans ses moments les plus incandescents, dans ses moments fusionnels. Bon, et il écrit ça. Bon, il écrit ça. Je crois que c'est là toute la magie. Et il écrit, et pour écrire ça, et on revient au propos de Michelet, écrivain, qui n'est pas simplement historien, je veux pas être méprisant ou envers les historiens, mais André Suarez dit ça très bien. Il dit, bon, finalement, Michelet, il ne fait pas de théorie. Alors voilà, Proust disait, un livre dans lequel il y a des théories, c'est comme un cadeau sur lequel on aurait laissé le prix. Alors, Michelet fait pas de théorie. Il dit, bon, quant à Michelet, il faut rire de l'éternel reproche qu'on ose lui faire. C'est André Suarez, dans son texte sur Michelet, Fucelle de Coulanges, qu'on ose lui faire de mettre à nu les pasteurs de peuple, les princes, les rois, leurs lits, leurs maladies, leurs fistules et leurs vices. C'est au contraire sa découverte immortelle. Il a substitué la vie et la cause réelle à toutes les fausses déductions de l'éloquence et de la logique. Il faut ramener les parties aux hommes et les écorcher vifs ensemble de toute théorie. Voilà, c'est un écorcheur de théorie. Et cette manière d'écrire et de penser l'histoire, bon, c'est des textes qui sont moins lu, hein, mais où Michelet, c'est intéressant, c'est en 1843 dans les articles sur les jésuites, expose très clairement son propos. Alors c'est intéressant aussi du point de vue des dates, parce que Michelet, c'est l'antipositivisme radical, hein, c'est l'antithèse absolue d'Auguste Comte et d'un propos justement d'histoire positive. Il dit « Nous cherchions pour la vie autant que pour la science, pour le remède de l'âme, comme dit le Moyen-Âge. Nous le demandions ce remède à la philosophie et à l'histoire, à la voix du cœur, à la voix du monde. » La forme parfois poétique pouvait arrêter les faibles. C'est le haut caractère de la vraie science, d'être art et création, de renouveler toujours, de ne point croire à la mort, de n'abandonner jamais ce qui vécut une fois. J'aimais l'objet de ma science, le passé que je refaisais. Bon, voilà une revendication d'une écriture qui se veut artistique, qui est une idée de la science qu'on a perdue de vue. Pour moi, la science, justement, n'est respectée comme science qu'à partir du moment où elle semble s'être dépouillée des séquelles de l'art. Au contraire, pour Michelet, les deux ne sont pas séparables. Les deux vont de pair. Sinon, ce sont de ternes savantas, dit-il. Oui, ben exactement. Mais parce que l'art est un moyen de connaissance, et est une des dimensions de la connaissance. J'acquérais un sens nouveau, analogue à la baguette qu'on tourne pour trouver les sources, ou à la divination du mineur qui, à travers le sol, découvre le filon. Quand personne ne voyait, moi, étranger, ignorant, souvent je voyais encore. « Où est, disait-on, la source ?» Je frappais la terre du pied et je disais « Là-dessous, on fouillait, le jet montait. » Thank you. Pierre Nora, quand vous avez défini dans votre article Michelet comme quelqu'un qui nourrit un enfantement réciproque et circulaire de l'homme et de l'œuvre, est-ce que vous n'avez pas défini la marque propre d'un génie tout à fait singulier, tout à fait inclassable ? D'un génie et d'un historien profondément moderne, qui a investi existentiellement son moi dans l'histoire, qui s'est nourri de l'histoire pour transformer son moi, et qui, dans ce va-et-vient entre sa passion personnelle, sa projection, a identifié en quelque sorte sa propre mémoire à la mémoire de la France. Et en ce sens, il a une puissance de don réciproque absolument unique. Et d'ailleurs, tout ça est également lié à l'idée de la mort pour lui, puisque l'image qu'il se fait de lui-même, c'est celui de Caron, passant et repassant le fleuve des morts. Et il a une phrase à la fin qui dit « Eh bien, ma France, s'il a fallu pour que tu revives qu'un homme se donnât, passe et repasse tant de fois le fleuve des morts, je ne regrette rien. » C'est le contraire, en fait, de l'histoire que vous défendez avec le privilège de l'extériorité. Lui, il se donne le privilège de l'intériorité. Ah oui, c'est une histoire totalement participante. C'est pour ça que le rapport que l'historien entretient avec Michelet aujourd'hui, par-delà un siècle et demi, est très intéressant, parce que nous récuserions très fortement cette identification au sujet historique, ce manque de distance vis-à-vis de et de réserve, en quelque sorte, vis-à-vis de son objet d'étude. On en critiquerait aussi toutes les méthodes. C'est une histoire à beaucoup d'égards pré-scientifique. Michelet a beau dire qu'il a été le premier à fouiller les archives. En un sens, c'est vrai, en un autre, c'est complètement faux. Je crois que pour écrire La Sorcière, alors qu'il y a des centaines de dossiers de procès de sorcellerie aux archives nationales que Mandrou, pour son livre, a tout entier vu, on sait ce que Michelet a regardé, il en a regardé deux. Mais à partir de là, il a véritablement créé une sorte de mythe. Et c'est un formidable créateur de mythes, de légendes. Prenez la même chose avec Jeanne d'Arc. Quand il a écrit sa Jeanne d'Arc, Quichera était en train de faire les procès de Jeanne d'Arc, il aurait pu, à la rigueur, lui demander, les consulter, les regarder, les archives. Pas du tout. En même temps, il a fait de Jeanne d'Arc un livre qu'il voulait totalement populaire. Il a créé une figure de légende dans laquelle il a investi beaucoup de sa propre mythologie intime et personnelle, la jeune fille, l'anti-Angleterre, la passion, l'équivalent de notre Seigneur Jésus-Christ, la fille du peuple, comme sa femme. Et c'est après, rappelez-vous, c'est en 42 ou 43 qu'il écrit la Jeanne d'Arc, 1842, et sa femme est morte en 1839. En même temps, c'est cette Madame Duménil, qui était la mère de son élève, qui l'avait connue poitrinaire dans les années 1842, et qui devait elle-même mourir, qu'il a abritée chez lui, et pour qu'il a eu une sorte de passion salvatrice et platonique. C'est aussi Jeanne d'Arc qui l'a sauvé du désastre qu'il était lui-même devenu après la mort de sa femme. Donc, Jeanne d'Arc est absolument un compendium des mythologies intimes les plus fantasmatiques de Michelet, mais en même temps, il a voulu en faire le personnage que tous les Français connaîtraient et aimeraient, l'image même de la France souffrante et militaire aussi. Il a voulu paysanne et militaire. Michelet a voulu faire de la Jeanne d'Arc le livre dans lequel les Français apprendraient à lire. Ça a été le premier livre des bibliothèques de gare de Louis Hachette. Et il a, à partir de Jeanne d'Arc, construit, il ne faut pas l'oublier, cet concept de la Renaissance que l'on doit précisément à Michelet. Et le mot est très fort, Renaissance. Là encore, si on lui retrouve sa fraîcheur inaugurale, il y a une force de vie contre la mort qui est donnée par l'historien lui-même. Et ça, c'est un cas, comme vous dites, un cas probablement unique et tout à fait fascinant. Alors, c'est pour un historien, encore une fois, d'aujourd'hui, une référence obligée, me semble-t-il, et une mesure permanente de la distance profonde. C'est ce jeu, je crois, de miroir qui rend Michelet à la fois attachant et instructif pour nous dans le dialogue que l'on peut entretenir en permanence avec lui. Je pense qu'il n'y a pas un historien de la France qui n'entretienne avec Michelet ce rapport passionnel, répulsif, attractif, que personnellement je ressens très vivement. À Edgar Quinet, 17 mars 1851. Il est bien difficile de vous voir seul, mon ami. Et pourtant, il y a mille choses sur lesquelles il serait bon que nous puissions nous entendre. Un volcan immense gronde sous nos pieds. Nous pourrions parler au volcan. Qu'il empêche le mode de nos publications. Elles ne vont qu'aux bourgeois, c'est-à-dire à nos ennemis. Si nous n'atteignons le peuple par les publications à vil prix, par des livraisons à deux sols, nous ne ferons rien. Nos jésuites sont épuisés. Voudriez-vous que nous fassions une telle édition? Ne faut-il pas réfugier notre cœur dans le grand tout, dans le peuple, nous faire entendre de lui? À vous de cœur, Jules Michelet. Ce Michelet qui invente Jeanne d'Arc et qui personnifie la France n'est pas pour vous un Michelet qui peut dériver vers une mystique patriotique? Non, pas du tout. Blandine Criégel. Pour une raison très simple, c'est que on peut prendre une comparaison entre Michelet et Fichte, parce que au fond, la quintessence du nationalisme, de la philosophie du nationalisme, c'est les discours à la nation allemande de Fichte, qui commencent par ces mots célèbres: je m'adresse à des Allemands rien qu'à des Allemands, et je leur parle des Allemands rien que des Allemands. Alors, pour Fichte, la nation allemande repose sur un territoire originaire, une langue originaire. On peut dire qu'au début, Michelet aussi commence comme ça. Il commence par l'hexagone régulier, et enfin les marches, et la langue. Il dit que c'est la langue qui a fait la France. Mais la grande différence entre Michelet et Fichte, très grande différence, c'est que pour Michelet, la nation finalement se forme, n'est-ce pas ? Elle se forme, et il dit que la nation française n'a jamais été originaire. Ce sont des peuples très différents. Qui traversent. Très différents. C'est la traversée des peuples. Oui, d'abord il dit que les peuples viennent de la nation allemande. Ce sont des peuples extrêmement différents, d'origine très différente, et ils marquent leur différence. La différence qu'il y a entre les Bretons, les Normands, n'est pas pourtant des peuples très proches, les Lorrains qui sont très loin. Et il fait, pour lui, justement, c'est très intéressant, qu'est-ce qui a exprimé, incarné la nation française? C'est une Lorraine, mais c'était une petite paysanne lorraine, la marche de la France, vraiment ce qui était le plus extérieur, apparemment, à la France. Et ça a été ça, la France. Pour lui, alors, parlons, pour lui, qu'est-ce que la France? La France a porté, et c'est pourquoi l'histoire de France, évidemment, il est de son temps, a culminé, en quelque sorte, dans la Révolution française, elle a porté l'idée républicaine. Là, c'est une chose absolument fondamentale chez lui. Ce que la France a porté, c'est cette idée de justice, de vérité. Et la France, le message de la France au monde a d'abord été le message de l'unité d'un peuple. Qui est Jeanne d'Arc pour Michelet? C'est d'abord une femme. C'est une femme, c'est-à-dire un être qui était souffrant, laissé sur le côté. C'est une paysanne. C'est-à-dire ce qu'on fait de plus humble dans la société, en un temps où on va bientôt brûler les sorcières, où les femmes ne sont rien. Donc, et par conséquent, pour Michelet, et en plus, elle est Lorraine, n'est-ce pas, la bonne Lorraine, c'est-à-dire elle est quasiment l'étrangère, c'est une Beurme, Jeanne d'Arc. Et donc voilà, et c'est elle qui va pourtant porter l'unité de la France, parce que le centre, mais je l'ai dit, la France, c'est la France du Nord, n'est-ce pas, ce n'est pas la France des marches, mais justement la France est faite comme ça, elle s'est faite par accrétions successives, elle a assimilé, toujours, et Jeanne d'Arc, elle est une immigrée de la première génération. La France est tout cela, mais sauf que cette langue, elle s'est formée, justement, il montre, si vous voulez, comment cette langue s'est formée petit à petit. D'ailleurs, c'est une chose qui l'intéresse énormément, de voir comment le français s'est formé. Cette langue n'est pas au début, elle est à la fin. Ce sang, se sent évidemment assez formé. Vous avez Roland Barthes a été extrêmement obsédé par l'intérêt que Michelet portait au sang, n'est-ce pas, le sang menstruel de la femme, le sang qui coule dans l'histoire, le sang de la Révolution française. Il y a cette formule extraordinaire de Michelet, n'est-ce pas, qu'il a trop bu le sang des morts, le sang noir. Bon, alors ça, il y a le tout, sang chez lui des couleurs il, différentes. Il y a toute une mystique du sang, n'est-ce pas, d'ailleurs, la quête du Graal. Enfin, ce sont des choses très très très profondes chez lui. Mais justement, ce qui est très important chez Michelet, le sang est un sang mêlé. Le sang n'est pas le sang bleu. Il n'y a pas de sang pur. Au contraire, l'histoire est affluence, confluence, rencontre. Et le contrat est un mélange. Voilà l'idée de Michelet. Et donc, c'est une toute autre conception que la conception, si vous voulez, romantique, racialiste. Sa mystique du sang n'est pas la mystique racialiste qui s'est développée outre-Rhin à la même époque. Pas du tout, du tout, n'est-ce pas ? C'est très différent. La légère teinture antisémite qu'il y a dans le peuple, je ne le vois pas, non. Au contraire, parmi les textes de Michelet, Michelet est un de ceux qui ont rendu certainement le plus justice au peuple juif, et en particulier un des plus beaux textes que je connaisse sur le rôle du judaïsme dans la culture de l'Europe, de la Renaissance, c'est celui de Michelet consacré à la Renaissance, où il explique que la Renaissance a retrouvé avec Reuchlin la Kabbale. Il est le premier à avoir insisté après les humanistes, bien sûr, mais enfin au XIXe siècle, il est un des rares historiens, avant Renan, il faut bien le dire, mais à montrer quel a été le rôle absolument fondamental, d'abord de la redécouverte de la Bible. Quelquefois, on pense que la Renaissance est seulement la redécouverte des auteurs grecs et latins. Michelet, lui, met exactement sur le même plan la redécouverte des auteurs grecs et latins et de la Bible, de l'Ancien Testament. Il rappelle le rôle De la langue hébreu. Et de l'hébreu, n'est-ce pas ? Les trois sources. Il rappelle combien le livre de Reuchlin a été important, n'est-ce pas, sur la Kabbale, et surtout combien une certaine philosophie politique de la Renaissance, qui donne à la loi, qui donne à la justice une place de premier plan, eh bien, vient, n'est-ce pas, d'un petit groupe persécuté qui a quand même gardé cette idée. Et à ma connaissance, il n'y a pas d'antisémitisme chez Michelet, mais il y a ce qui est beaucoup plus rare au XIXe siècle. Ce n'était pas le cas au XVIIe, XVIIIe siècle. Le XVIIe siècle, XVIIIe siècle, encore proche de l'humanisme de la Renaissance, lit la Bible et ne développe aucun anti-judaïsme. Mais Michelet est un des rares auteurs du XIXe siècle à n'avoir aucune hostilité, et non seulement aucune hostilité, mais à montrer l'importance du judaïsme dans la formation de la culture moderne. Je parlais juste d'une très légère teinture qui est expliquée en notes dans Le Peuple et que Gabriel Monod relève comme étant liée à l'influence qu'a exercée pendant un moment Toussnel, qui a écrit « Les Juifs rois de l'époque ». Et il y a de temps en temps, dans Le Peuple, des petites références aux Juifs liés à la banque et qui boivent le sang du peuple. Mais écoutez, c'est en parfaite contradiction avec ce qui est dit. Je n'ai pas le souvenir de ça, mais c'est en parfaite contradiction avec ce qui est dit dans la Renaissance, puisqu'au contraire, il défend les Juifs d'avoir pratiqué l'usure. Ça a été publié après, et on peut penser que c'est vraiment tellement ténu, et ça ne charpente pas sa pensée. C'est une couleur, c'est une teinture qui s'en va, qui passe, qui ne reste pas, qui ne lui appartient pas, mais qui est présente dans le langage à un moment donné, dans le peuple. Oui. Donc on trouve aussi des formules assez regrettables chez Marx, n'est-ce pas, sur le même mot. Alors vous, Michel Perrault, vous m'avez dit que vous aviez deux passions de lecture avec Michelet. La Révolution française et la sorcière. Est-ce que ça vous pose un problème historique, la sorcière ou pas ? La sorcière qui est écrite tardivement dans la vie de Michelet, en 1862, il a déjà été... Ça fait 10 ans qu'il est chassé du Collège de France. C'est un livre où il s'est peut-être beaucoup plus mis encore... Enfin, il est plus libre, me semble-t-il, que dans Le Peuple. Dans Le Peuple, pense que Le Peuple, C'est hybride. Oui, c'est hybride. Oui. Le peuple, c'est beaucoup plus pieux oui. de la sorcière. Je pense qu'il y a une espèce d'effort d'ethnologie historique dans la sorcière qui est très très intéressant. C'est-à-dire qu'il essaie pas seulement de nous raconter l'histoire des sorcières, mais de voir ce que cela a pu représenter à un moment donné dans l'histoire, pour les femmes notamment, et comment elles ont été perçues. Dans l'histoire de la pensée des femmes, l'histoire de la pensée sur les femmes, bon, est-ce que ce livre n'a pas une place à part ? Oui, sans doute, parce qu'il essaie de comprendre la sorcière comme ayant un rôle, en définitive, comme à la fois victime, puisque femme victime, et femme ayant un certain type de pouvoir. Femme subversive. Et femme subversive. Mmh. Autrement dit, oui, il y a une tentative pour repenser les rôles féminins à travers le Moyen-Âge, notamment, plutôt l'époque classique, enfin, surtout l'époque classique. Je vous pose cette question parce que Roland Barthes, qui adore Michelet, ne peut pas s'empêcher d'être méchante langue, et il dit que Michelet, si on lui ôte sa mythologie personnelle, où son père parle toujours par sa propre bouche, il dit que Michelet voit le monde par les yeux de son père et parle par la bouche de son père. Eh bien, il dit, si on ôte tout ça, Michelet est un petit bourgeois du 19e siècle. Et il en prend, pour exemple, toute la littérature qu'il appelle d'un joli nom, le langage nourrice de Michelet. Il dit que quand Michelet parle spontanément des femmes, il parle comme une nourrice et il bêtifie. Est-ce que vous partagez ce jugement un peu au vitriol de Barthes sur Michelet ? Alors, je pense qu'elle est intéressante, cette interprétation. Elle est très psychanalytique, évidemment. Oui. Hein ? Comment vous dire ? Les rapports entre Michelet et les femmes sont extraordinairement complexes. Et vous imaginez bien que, de ce point de vue-là, je ne peux partager les représentations que Michelet a des femmes. Enfin, je ne me sens pas du tout solidaire de ces représentations, mais elles m'intéressent parce que elles traduisent, par exemple en histoire, une idéologie du 19e. Hein. Michelet voit les femmes comme expression de la nature. L'histoire que nous mettons très, très sottement au féminin est un rude et sauvage mâle, un voyageur allé, poudreux. Nature est une femme. Nature est une femme. Nature est une femme. Les femmes sont entièrement du côté de la nature, les hommes entièrement du côté de la culture. Dans la nature féminine, il y a deux pôles. Un pôle blanc, lumineux, qui est la maternité, et la femme épouse et mère, que Michelet encense, célèbre, magnifie constamment dans son œuvre et dans sa vie. Et puis il y a un pôle noir, qui est le pôle nocturne, maléfique, sorcière peut-être, mais surtout femme usurpant les rôles de l'homme et notamment les rôles publics. Pour Michelet, et c'est là où on retrouve les idées de Michelet sur l'histoire et les rôles masculins et féminins dans l'histoire, les femmes ne doivent pas intervenir dans les systèmes de pouvoir. Les hommes sont faits pour exercer le pouvoir. Et la loi salique a été une bonne loi franque, hein, qui a écarté à juste titre les femmes du pouvoir. Quand les femmes prennent le pouvoir, c'est une catastrophe. On le voit, dit-il. Il connaît Georges Sand. Il l'aime bien, il écrit avec, il lui écrit. Oui, mais Georges Sand comme écrivain. Oui. Mais pas comme femme ayant du pouvoir politique. Pas comme ayant véritablement. Elle a presque joué un rôle politique plus grand que le sien. Elle a joué un rôle politique éminent, puisque en 1848, elle a été celle qui a écrit les bulletins de la République, et elle était la conseillère de Ledru-Rollin, de Louis Blanc et des autres. Fermons cette parenthèse à propos de Georges Sand. Mais, par exemple, Michelet montre qu'une Catherine de Médicis, régente, a été la catastrophe pour la France. Ses fils ont été homosexuels, ce qui montre bien que c'est pas supportable pour des hommes que d'avoir une mère qui prend le pouvoir. Et Michelet n'aime pas du tout l'homosexualité. Lui, il est pour vraiment les rôles classiques, la virilité la plus classique. Bon, il y a eu la Saint-Barthélemy, Et c'est une catastrophe. Michelet est évidemment, et Dieu merci, très hostile au massacre des protestants, mais il l'attribue au fait que Catherine de Médicis avait le pouvoir. Elle était superstitieuse, elle se laissait impressionner et influencer par des espèces de mages venus d'Italie qui l'ont très mal conseillée. Voilà, dit Michelet, vous avez une femme au pouvoir et c'est la catastrophe. Oui, oui. Mais dit-il, prenez la Révolution française. Eh bien, dans la Révolution française, il y a un moment où les femmes sont très positives. Elles sont positives quand ? Les 5 et 6 octobre, parce qu'à ce moment-là, les ménagères vont à Versailles chercher le roi, la reine et le petit mitron, n'est-ce pas ? Et réclamer du pain. Et là, elles sont dans leur rôle de femmes, de ménagères, qui vont dire au roi, « Sire, vous ne savez pas comme votre peuple a faim. » Et c'est aux femmes de dire que le peuple a faim. Elles sont positives encore, les femmes, au moment de la fête de la Fédération, c'est-à-dire au 14 juillet 1790, parce qu'alors là, elles organisent la fête, elles sont les grandes rassembleuses, c'est elles qui vont donner aux fils qui montent à Paris un bel uniforme, une belle cocarde, un étendard, pour aller célébrer la Révolution unie. Et les femmes, elles sont faites pour ça. Elles sont faites pour l'union. Elles sont faites pour l'unité. Elles sont faites pour l'unité de la Révolution. Voilà. Mais dès qu'elles se mêlent de vouloir apostropher les hommes, les tricoteuses dans les tribunes, ou encore les massacres de septembre, c'est-à-dire la violence parfois des femmes quand elles sont sanguinaires, elles peuvent être sanguinaires car ils leur attribuent les massacres de septembre, eh bien là, c'est la catastrophe. L'histoire se dérègle. Quand les femmes prennent le pouvoir politique indûment, l'histoire se dérègle. Et Michelet allait jusqu'à dire que Robespierre, qui n'était pas un homme véritable, il laisse entendre que sa virilité est peut-être suspecte. Au fond, l'homme de la Révolution que Michelet aime beaucoup, c'est Danton, parce que c'est un homme qui aimait les femmes, hein, un homme qui aime le vin et les femmes. Et Robespierre était beaucoup trop puritain à certains égards pour être un véritable homme aux yeux de Michelet. Et alors, dit Michelet, c'est celui-là qui a emmené la Révolution vers la terreur. C'est pas... Parce qu'il y avait une pulsion féminine, nocturne, et un peu hystérique, probablement. Il n'emploie pas le mot, mais enfin, il n'en pense pas moins qu'on trouve chez Robespierre. Donc, voilà, là il y a, dans cette interprétation hautement idéologique des rôles masculins, féminins dans l'histoire, un Michelet qui est complètement pris par les représentations de son temps. Et là, on retrouve les idées les plus éculées, il faut bien le dire, de la psychologie des foules du XIXe siècle, qui dit les foules sont dangereuses et les foules sont féminines. Et si elles sont dangereuses, c'est parce qu'elles sont féminines. Et ça, Michelet le pense. À Athénaïs Mialaret, 3 janvier 1849, minuit. J'ai le cœur si malade, si tremblant, si ému, sans que rien puisse en calmer les mouvements, que je me remets à écrire. Ah, chère, que deviendrais-je étant à ce point dans tes mains ? Ah, qu'elle me soit douce et bonne, ou autrement je meurs. J'ai fait de grands efforts pour te faire oublier, en parlant de toutes choses, la lettre peu convenable, audacieuse que j'avais écrite. Et tant que j'étais avec toi, j'ai fait bonne contenance. Une fois éloigné, je me sentis bien mal, les dents serrées, le cœur contracté ou sautant avec force. J'aurais été te voir demain, mais après, bien probablement, je me serais alité. En ce moment même, je tremble encore de fièvre. Je ne t'accuse pas, ami. Tu avais droit de me faire bien d'autres reproches. Celui que tu as fait était mérité. Oui, parmi la tendresse, il y a toujours quelque sensualité à soigner une femme aimée. Le violent amour que j'ai de ton corps, tout comme de ton âme, me rend subtil, peut-être pénétrant parfois, mais enfin, je l'avoue, avide du charmant mystère de ta vie, et plus que je n'ai droit de le laisser paraître au début si récent de cette affection. Cependant, crois-moi si tu veux, Mais ce qui donne aussi cette curiosité ardente, insatiable du corps, c'est de le voir uni à ce noble esprit, à ce cœur généreux, héroïque. Ton corps intéresse d'autant plus qu'on s'étonne que tu aies un corps, toi qui, à te lire, à t'entendre, paraît un pur esprit. Je baisse tes pieds et ta main, si tu le permets. Jules Michelet. Janvier 1849 au soir. Par le seul effet du silence, ami, je vous ai rendu blessure pour blessure. J'en ai maintenant le plus mortel regret. Mes yeux valut parler tout de suite, même en me fâchant. Ou plutôt, j'aurais dû me jeter dans vos bras et vous dire qu'en réalité, je vous aimais peut-être davantage pour la peine que vous m'aviez faite. Au lieu de cela, sottement, je suis restée muette. Nous voilà ce soir à deux lieues l'un de l'autre, sombres, agités, nerveux. Non, pour vous cela ne sera pas. Je vais aller jusqu'à votre porte. Je veux qu'avant 10 heures, vous ayez ce mot qui doit nous réconcilier. Oh, comment pourrions-nous être l'un à l'autre ennemis? Ne parlons plus jamais, je vous en conjure, de ce fâcheux incident. Je me remets tout entière sous votre sauvegarde. Vous serez à la fois mon père et ma mère, dans un isolement où tout me fait peur. C'est par vous que je veux être rassurée. Dieu vous donnera cette nuit un bon sommeil, le sommeil paisible des âmes justes. Je vais le prier pour cela et pour que demain vous repreniez le travail. Je vous en conjure, les mains jointes, donnez-moi cette joie. Si vous travaillez, nous vivrons. Votre enfant, Athénaïs. À Montauban, dans la réserve du musée Ingres, sous les toits, reconstitution dans la poussière de quelques rêves de Michelet, accrochés au mur de son cabinet de travail, legs d'Athénaïs Miraret à sa ville natale. Avec Georges Vigne, conservateur du musée Ingres, et Éric Fauquet, biographe de Michelet. Athénaïs Michelet. C'est un... Ah mais c'est le portrait de d'Athénaïs. Ah oui. Ah un profil, oui. Très joli. Par qui? Par Suc. Ah oui. Et Michelet par David d'Angers, 1831. Ah de nouveau le date de 53, c'est 5 ans après qu'ils se sont rencontrés. Alors c'est ouais, très c'est les deux profils qui se regardent. Je dois dire que le médaillon est quand même beaucoup plus intéressant que le grand portrait officiel qu'on voyait tout à l'heure. Bah, parce que c'est une jeune fille, on comprend mieux. C'est la première fois que je le vois. C'est la première fois que je vois une image d'Athénaïs qui peut me faire comprendre ce qu'il disait en la comparant à sa mère, sa fille, un ange, etc. Oui, c'est vrai. Oui, là on croirait à un ange de la cathédrale de Reims. Oui, tout à fait. Dans le genre du médaillon. C'est pour ça que je m'étonnais qu'ils soient en pendant et qu'ils ne soient pas du même artiste, mais évidemment, en 53. Il y a 20 ans de différence. Il y a 20 ans de différence et David faisait plutôt ses médaillons dans les années 30 que dans les années 50. Et en fait, ils avaient 30 ans de différence. Les Fervantes, on dirait un petit profil florentin. Oui. Fin du 15e siècle. Oui. Un truc comme ça. Proust voyait en vedette à Botticelli. Oui. Voilà. Vous avez les éléments de votre cabinet, là, ou pas, Éric Fauquet, de votre cabinet joli accrochage. Michelet est un homme qui a commencé par Géricault parce qu'il n'avait jamais eu la chance d'en avoir chez lui. C'était trop cher. Il était, et donc, Géricault était son grand homme. Il a fait de lui le grand homme du romantisme, de la peinture romantique. C'est lui qui a fait la célébrité de Géricault. C'est lui qui a fait la célébrité de Géricault, alors que Baudelaire a fait uniquement pour les Français la célébrité de Delacroix. Et ensuite, au fur et à mesure qu'il a des moyens, Couture, qui a été un grand de l'alternative à l'institution de la peinture. Oui. Et enfin, quand on abandonne la peinture d'histoire sous le Second Empire, quand on passe au paysage, aux barbizonneries, peut-être. Alors, Huet et le Grand. Quand il s'agissait de peintres de son temps, il les avait en original. Quand il en a eu les moyens, oui. Michelet a fait la nécrologie de Huet dans Le Temps, qui était le grand journal de culture et d'opinion. Mm-hmm. Républicains et protestants à la fin du Second Empire. Et quand il a fait la nécrologie, eh bien, il avait sous les yeux, effectivement, un certain nombre de tableaux. Et Huet était de ses fréquentations. Si on consulte le journal, vous avez Huet qui est dans ses jeudis. Bon, oublions le tableau. Eh bien, oui, c'est vrai. Bon, il est charmant. Je vois pour la première fois, c'est bien. C'est un paysage. Michelet disait que ça reposait des grandes machines, sous-entendu Géricault. C'est vrai que c'est plus calme que le radeau de la Méduse, mais c'est vrai aussi que pour lui, c'était symbolique de ce retour à l'intimité ou à la baisse du politique qui pouvait se produire sur le Second Empire. Alors maintenant, j'ai dit barbizonnerie. Oui, voilà. Une baisse de régime tout d'un coup. Voilà. J'ai dit barbizonnerie tout à l'heure, mais enfin, il est très beau ce tableau. Oui, alors maintenant, disons les choses simplement, c'est un beau paysage, il est beau, on aimerait l'avoir chez soi. Ce que je trouve intéressant quand même, c'est de voir que chez Michelet, il y a des tableaux charmants, alors que ses propres goûts à lui dans l'art, ce sont des goûts héroïques. Non. Ou très lyrique. Alors, exactement. Enfin, nous disons la même chose, mais autrement. Bah, allez-y. Ses goûts étaient héroïques dans sa jeunesse et moins héroïques dans cet âge dont nous parlons depuis tout à l'heure, c'est-à-dire quand l'homme est, certes avec une jeune séductrice certainement qui était à la hauteur, mais quand ses goûts deviennent plus des goûts d'homme d'intérieur. Mais non, c'est pas ça. Il est en train... Moi, j'aurais une interprétation différente. Il a accroché Huet chez lui, il n'a jamais fait un grand livre sur Huet. Il a fait une nécrologie en une page et demie, en disant que c'était le plus grand peintre de son époque. Alors, est-ce que je sais qu'on a une mélancolie, mais d'où vient-elle? Le problème elle est là. Je ne l'ai jamais vue, je ne savais pas que vous l'aviez. Collection... Elle était dans l'appartement de la rue d'Assas. Le problème de c'est une des choses les plus anciennes qu'il avait. Vous connaissez la provenance? C'est un cadeau de Victor Duruy quand il était l'ami et l'élève surtout de Michelet qui était son précepteur. Il lui a offert pour décorer son appartement assez modeste à l'époque de la rue des Postes et c'était la seule chose qu'il avait dans son bureau. Ce serait formidable de voir reconstitué par l'un des plus grands historiens du 19e siècle qui a fondé le mélange dans l'histoire, le mélange de l'histoire de l'art, de l'histoire littéraire, qui a eu un cabinet de travail qui, quand il en a eu les moyens, était rempli de tous ces tableaux, de pouvoir le reconstituer. Ce serait quand même merveilleux, non? Non, ce qui peut être très sympathique, ça serait d'en faire un article avec des images et de proposer aux gens... Oh, c'est pas pareil que de les voir là. Ah, bah, c'est pas pareil que de les voir là, mais quand la moitié du fond est un fond de dessin, on ne pourra pas le montrer en permanence. Nous travaillons pour l'éternité. Ça se fera un jour. Oui, ça se fera un jour. C'est quand même amusant, par exemple, que la mélancolie, comme on l'a dit tout à l'heure, était dans son bureau de travail et seul, au même moment qu'il était dans l'esprit de Nerval ou dans l'esprit de Victor Hugo. Est-ce que c'est un intérêt de voir la trace, uniquement la trace figurative, du discours sur la peinture d'un homme comme Michelet? Je pense que c'est un intérêt parce que le discours est encyclopédique. Et j'ajouterais aussi que souvent, ces objets qui sont de l'ordre de l'iconographie sont des objets qui pensent comme des gravures pour des illustrations de ses propres livres. On a, pour le premier témoignage qu'on ait de ses goûts, c'est quelque chose qui lui a servi pour un frontispice pour son Vico en 1828. La gravure L'égalité socialiste qui vous faisait sourire tout à l'heure, qui est une gravure de Prudhon, ça lui a servi pour son dernier livre, L'histoire du 19e siècle. Et moi, ce qui m'émeut, c'est de venir avec vous, comme ça, dans cette maison, de fouiller, d'essayer de voir les pièces, parce que vous en connaissez l'histoire, moi, j'en connais plus ou moins la nature. Il y a quand même des choses que je n'avais pas vraiment vues avec les yeux. C'est toujours intéressant d'avoir... C'est là où l'œuvre vit. J'ai l'impression que l'œuvre tentée est un tableau qui va revivre. Même comme copie de Rembrandt, ça vous émeut quand même. D'abord parce que c'est un tableau qui a une histoire et qui a un charme. Et quand les tableaux ont une histoire ou la retrouvent, ils revivent. C'est un tableau qui s'est mis à revivre sous nos yeux. Ah, ça c'est vrai, F tenté, oui. Alors les objets qu'on a vus, quelque part, sont en résonance avec la pensée de Michelet. Qu'elles vaillent, qu'elles ne vaillent pas, c'est une autre affaire, mais ils sont en résonance avec la pensée de Michelet. Formidable. La mélancolie, c'est quand même une jolie histoire. Quand vous m'avez dit que le portrait d'Athénaïs Mielaret sautait par-dessus la convention du portrait du 19e siècle. Ça, c'est sûr. Alors, il y a quelque chose. Oui. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment sorties de la poussière. À son apparition, la sorcière n'a ni père, ni mère, ni fils, ni époux, ni famille. C'est un monstre, un aérolithe, venu on ne sait d'où. Où est-elle ? Aux lieux impossibles, dans la forêt des ronces, sur la lande où l'épine, le chardon emmêlé, ne permettent pas le passage. La nuit, sous quelques vieux dolmens. Si on l'y trouve, elle est encore isolée par l'horreur commune. Elle a autour comme un cercle de feu. Qui le croira pourtant ? C'est une femme encore. Même cette vie terrible presse et tend son ressort de femme. L'électricité féminine. Jeanne Favre-Sada, je vous vois en train de feuilleter La sorcière de Michelet. C'est un vieux livre. 1964. De 1964, réédition. Donc, alors que la première édition a été, pour ainsi dire, maudite. Oui. 1862, ça n'a pas été publié par son éditeur Hachette. On lui en a fait retirer un passage, oui, qui était considéré comme blasphématoire. Et ça a été publié à Bruxelles par l'éditeur des Fleurs du Mal de Baudelaire. Donc ça n'a réintégré qu'ultérieurement les éditeurs français. Et La sorcière est un livre qui, je le vois avec sa couverture jaunie, il n'a pas vieilli. Là. C'est un livre qu'on lit aujourd'hui avec un bonheur de lecture. Et j'avais presque peur, puisque je savais que vous aviez fait un travail critique sur Jules Michelet et La sorcière, j'avais presque peur de vous rencontrer, Jeanne Favre-Sada, parce que j'avais peur que vous soyez corrosive avec la lecture. Et pas du tout, vous la soutenez. Alors, ça, c'est une mauvaise réputation qu'on m'a faite de façon absurde. Mais j'avais essayé, quand j'ai fait cet article il y a bien longtemps, au contraire, de Sorcière mettre... Sorcière et Lumière. Sorcière et Lumière. Qui était paru... Dans la revue Critique, oui, c'est ça. J'avais essayé, au contraire, de montrer l'extrême modernité de Michelet, y compris par rapport aux historiens les plus contemporains. Mmh. À l'époque, il s'agissait de... De Robert Mandrou, qui préfaçait cette... Le magistrat et sorcier en France au XVIIe siècle, qui venait de paraître, ou qui était paru peu avant, en 1968. J'ai fait un article dans Critique sur ces deux livres, en opposant Michelet à Mandrou. Et en montrant comment... Alors que Mandrou, je vais un peu vite, le livre de Mandrou est par rapport à ce qu'il a voulu faire tout à fait excellent, mais par rapport à ce qu'il a annoncé, pas excellent. S'il parlait des magistrats, c'est un livre excellent, mais il a annoncé qu'il parlait des mentalités du XVIIe siècle relativement à la sorcellerie, alors qu'il n'a présenté que la mentalité des magistrats, des médecins et des théologiens, et surtout des magistrats et des médecins. Donc à la place de la sorcière, voilà. On avait le juge. On avait le juge. Alors, Michelet lui-même a eu les mêmes matériaux que Mandrou. Oui. Les traités de démonologie et les grands procès de sorcellerie. Les marteaux. Des sorcières, oui, les fourmilières, ces noms, oui. Ces noms épouvantables. Oui. Mais Michelet s'est posé d'emblée comme l'héritier des sorcières et pas l'héritier des juges, comme l'héritier des accusés de sorcellerie. Et ça, c'est déjà très très étonnant en plein 19e siècle. Absolument. On peut dire que le mouvement de la sorcière, c'est comme le mouvement du J'accuse de Zola, si vous voulez. Hein, c'est-à-dire que de même que Zola ou de Voltaire sur Callas ou sur l'affaire du chevalier de la Barre, c'est-à-dire que c'est une affaire au sens juridique du terme, au sens où Michelet refait le procès de la justice, de la justice qui a condamné les sorcières, et en disant à ses collègues historiens et à ses contemporains du XIXe siècle et aux enfants de la Révolution française dont il se prévalait constamment, de dire mais le vrai savoir que nous avons, nous, savants, médecins, etc., c'est d'elles que nous le tenons, c'est de ces sorcières et pas des juges et pas des théologiens. Et il inverse tout à fait, complètement, ce que le mouvement par lequel on pensait la sorcellerie jusque-là comme des croyances dépassées de paysannes illettrées et donc sans vrai savoir. Il montre que c'était là des jugements de clercs et des jugements de puissants, et que chez les sorcières, ou celles qu'on a appelées les sorcières, s'étaient réfugiés tout ce que l'Église avait interdit. La nature, le corps, le désir de survivre. Il le dit dans ces termes, d'ailleurs. Il le dit tout à fait dans ces termes. Ces mots-là sont présents. Tout à fait. Et ils ont une résonance contemporaine. Tout à fait. C'est des mots qui ne vieillissent pas. Tout à fait. Et alors, ça se présente comme le procès, non pas des sorcières, ce que plus ou moins tous les livres d'histoire sur la sorcellerie refont, c'est-à-dire que les historiens, qu'ils le veuillent ou pas, très vite se remettent dans les godasses des juges et des théologiens, utilisent leur vocabulaire sans même s'en rendre compte le plus souvent, et en particulier considèrent que ce que pensent les sorcières, ce sont des croyances, donc c'est faux. Ce que pensent les juges, les historiens, etc., ne sont pas des croyances. Ce sont des expertises. C'est vrai, c'est la vérité. Or, chez Michelet, on ne trouve jamais ça, cette distinction entre vérité et croyance. Je l'ai relu hier pour cette émission, j'ai été frappée de ce que cette distinction qui est présente dans tout livre savant sur la sorcellerie n'existe pas chez Michelet. Il ne pense pas que les sorcières ne savaient rien et n'avaient rien à nous apprendre, et il ne pense pas que ce que les historiens ou les médecins ou les théologiens avaient à nous apprendre soit spécialement vrai ou important. Ça, c'est un saut. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que de ne pas instituer ce clivage d'emblée, savoir, anti-savoir, non-savoir, bêtise, ignorance, arriération, etc., lui permet de rendre intégrables les savoirs paysans. Alors, lui en fait. Alors, comment est-ce qu'il y a eu accès ? D'une part, il croyait que pour l'histoire, comme il dit, la tradition populaire, c'est-à-dire les contes, les proverbes, les légendes, ont une importance aussi grande que les matériaux d'archives. C'est-à-dire les productions imaginaires d'une société sont aussi importantes que les comptes rendus des actes, les comptes rendus archivés des actes. Ce qui distingue Michelet d'un historien contemporain en particulier, ou d'un historien scientifique, c'est que les historiens scientifiques pensent qu'ils n'ont pas le droit de dire quoi que ce soit sur ce qui n'est pas dans les archives. Et tôt ou tard, ils en viennent à penser que ce qui n'est pas dans les archives n'existe pas. Tandis que Michelet a toujours considéré que la fonction de l'historien, c'était d'entendre les silences de l'histoire. Que l'historien travaille sur des gens morts et qu'il doit restituer leur existence. Et lui-même passait son temps à se placer subjectivement comme quelqu'un qui avait pour mission de dire le sens des vies passées dans toute leur plénitude, et non pas seulement dans ce que les archives lui disaient. Il avait à se représenter, à produire des représentations de tous ces morts. C'est Georges Bataille qui raconte que quand Michelet pensait qu'il manquait d'inspiration, il se plaçait dans la situation d'un inpaché, là où on enfermait les sorcières, dans un souterrain où on asphyxie, pour ressonger à la sorcière et pour se remettre à qu'il prenait une grande inspiration de cet air asphyxiant. pour resonger à ces temps. Donc lui-même travaille à cette proximité. Oui. Mais ça fait penser... Bon, un historien contemporain trouverait que c'est... Absurde. Pierre Nora dit que Michelet, depuis Barthes, on sait qu'il est hystérique, par exemple. Mais qu'est-ce qu'on a dit quand on a dit ça? Qu'est-ce qu'on a dit quand on a dit que quelqu'un est hystérique? Et qu'est-ce qu'il est, Nora? Il est quelque chose, lui aussi. Je veux dire qu'on pourra dire qu'il est obsessionnel. Qu'est-ce qu'on a dit d'un être humain en l'ayant classé avec les 5 ou 6 catégories diagnostiques dont la psychanalyse ou la psychiatrie dispose? On a juste dit que l'humanité se divise en 4 ou 5 catégories. Et donc, peut-être il était hystérique, mais c'est un obsessionnel qui parle. Ou je ne sais pas, je ne veux pas faire un diagnostic de Pierre Nora en particulier, mais mettons, c'est un... Peu importe, enfin, je ne vais pas non plus lui donner une autre catégorie nosographique, ça n'a pas de sens. Enfin, oui, c'est une personnalité particulière qui a utilisé ses virtualités pour fabriquer un certain genre d'histoire, c'est tout ce qu'on peut en dire. Alors, Georges Bataille, même s'il critique Michelet, dit que c'est celui, Jules Michelet, qui a le plus humainement parlé du mal. Mais il le cadre encore dans une littérature du bien et du mal. Je ne sais pas si vous, c'est ce que vous feriez. En le relisant ces jours-ci, j'ai vu qu'il y avait des éléments de l'histoire de Michelet qui sont... En quoi il est dépassé pour nous, c'est-à-dire en quoi nous avons besoin de nous dire... Pour pouvoir l'admirer et le situer où il est, pour pouvoir l'admirer sans réserve, de dire, Michelet, c'est quelqu'un qui est pré-marxiste, c'est-à-dire qui rêve à l'union des classes. Nous savons qu'il y a des forces sociales en conflit irrémédiable et pour lesquelles il y aura parfois des négociations, parfois des guerres, mais que c'est sur le conflit que fonctionnent les sociétés. Nous savons, nous pensons, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Il y a un second point sur lequel Michelet nous paraît vraiment étrange, c'est avec son obsession du biologique. Y compris quand il parle de la sorcière. Y compris quand il parle de la sorcière et quand il parle des femmes. Mais aussi, ça apparaît aussi dans ses descriptions de personnages, c'est-à-dire ces personnages historiques sont un mélange de tissus, de peau, de sang, et de terre. Enfin, il les décrit toujours par la terre d'où ils viennent, par ce qu'ils mangent, par la circulation de leur sang, y compris les hommes, évidemment. Et quand il parle des femmes, il définit les femmes par la rythmicité de la menstruation. Oui. Les femmes, c'est le rythme, et c'est par là qu'elles tiennent à la nature et qu'elles ne l'ont jamais perdue. Et la sorcière, c'est l'hyperfemme qui n'a jamais voulu perdre, qui n'a jamais voulu abandonner ce que l'Église voulait lui faire abandonner, qui était le lien à la nature. Et tout ça, aujourd'hui, c'est un peu difficile pour nous. C'est-à-dire même les femmes les plus différentialistes, les plus portées à défendre une spécificité féminine, et même les femmes les plus hostiles, disons, à l'avortement, les plus pro-vie, plus personne n'oserait dire que c'est la rythmicité qui définit la femme, la rythmicité du sang. Enfin, le retour du sang. Et le troisième point, c'est en effet ce que souligne Bataille, c'est que les pensées de la transgression et du mal ont été beaucoup plus loin que Michelet. Nietzsche, Bataille et quelques autres, Buñuel au cinéma ou Pasolini, etc., sont beaucoup plus radicaux que Michelet, c'est-à-dire que la transgression de Michelet, c'est de remettre à l'endroit ce que l'Église avait mis à l'envers. C'est de remettre le bas en haut, le peuple au-dessus des puissants, le ventre au-dessus et le sexe au-dessus de la tête, le rire au-dessus du dogme, etc. C'est-à-dire que c'est un retour à ce qui lui paraît être l'ordre naturel. Cette nature humaine et cette nature tout court que l'Église et les puissants avaient dévoyée. Alors, mais cette nature est bonne par elle-même. Oui, c'est cette image. Il est rousseauiste, quoi. Oui, Et c'est par là qu'il est périssable. C'est par son. Périssable, en tout cas, pour nous. Oui, c'est pas une pensée. Ça, c'est pas une pensée, des pensées contemporaines. Oui. Alors, si on peut s'en énerver et dire qu'il est complètement cucu ou qu'il est dépassé ou qu'il nous ennuie, mais en fait, si on veut bien le lire, on est tout de suite happé par le texte. Oui. Au moins le livre 1 de La Sorcière. C'est un mythe extraordinaire, c'est beaucoup mieux qu'un roman. Et quant au livre 2, où il parle de la sorcière à partir du XVIIe siècle, à partir du moment où ce sont les nonnes urbaines de Loudun, les nonnes de la classe, de la noblesse qui... Enfermées dans les couvents, enfermées dans une sorte de sépulture, voilà, et qui elles aussi redeviennent possédées. À ce moment-là, il fait du roman, il passe du mythe au roman, c'est-à-dire il dégringole dans le roman. Je n'ai pas de mépris de principe pour le roman, sauf si on passe sans crier gare du mythe au roman. Et c'est un roman de Katsu. Non, c'est écrit dans un style admirable, mais il ne sait plus quoi faire de ses victimes quand elles appartiennent à des familles puissantes. Il les prend en pitié. Il les prend en pitié comme des malades. Oui. Ça n'est pas ce qu'il aurait... Il dit souvent que la femme est une pauvre malade. Voilà. Oui, ça fait partie des choses qu'on ne pourrait pas... accepter aujourd'hui, dire qu'une femme est malade 15 jours sur 28 et qu'il faut la protéger. Oui. Évidemment, tout ça, c'est plus du tout possible, mais il y a dans La Sorcière une... par rapport aux œuvres historiques contemporaines, par exemple, une extraordinaire modernité en ce qu'il montre comment... On ne peut parler de sorcellerie qu'en étant inclus soi-même dans le sujet et en acceptant d'être héritier de la transgression qu'ont apporté les sorcières. C'est-à-dire que tout savoir est transgression, y compris le savoir historique, et pour cette raison, on ne peut pas être d'abord juge des sorcières, il faut d'abord essayer de s'identifier à leur place. Vous dites à un moment donné que Michelet, au prix d'une erreur monumentale, c'est-à-dire la réalité du Shabbat nocturne, a touché à une vérité qui est plus vraie que n'importe quel récit historique, que n'importe quelle exactitude experte, et que cette vérité, c'est celle de l'au-delà de la servilité, l'au-delà du monde limité, l'au-delà de la peur biologique, l'au-delà de la scène, de la servitude et de la limite. Et des interdits. Oui, et des interdits. L'interdit de savoir, l'interdit de jouir, l'interdit de penser. Voilà. Et que c'est au-delà de cet espace-là, je pense comme la plupart des historiens qu'il n'y a pas eu de scène de sabbat au XIIIe, XIVe siècle, mais que l'idée du sabbat était très puissante. Mais il n'y aurait pas eu de trace écrite des sabbats, de toute façon. Oui, et que l'imaginaire d'un lieu de liberté, d'un autre lieu de liberté, où serait permise la libération du désir de savoir, de la possibilité de guérir, d'une vraie possibilité de guérir, d'une vraie possibilité de faire ressusciter les morts, a sans doute été très puissante. Et lui, il l'imagine comme une fête nocturne, au-delà du bourg. Au-delà du bourg, à la lisière des forêts, dans des lieux impossibles. Impossibles, dit-il, c'est-à-dire des lieux qui n'ont pas lieu. Non, c'est parce qu'il voit dans ce cas-là, ce qui est très intéressant dans La Sorcière et qui est très moderne aussi, c'est comme écriture, c'est que Michelet change constamment de point de vue en parlant. Mm-hmm. Quand il parle de ces lieux proscrits, impossibles, etc., il en parle du point de vue du bourg, du point de vue des villageois. Oui. Hein, évidemment, ceux qui sont dans ces lieux impossibles ne les pensent pas impossibles puisqu'ils y sont. Oui. Tantôt, il utilise comme un roman, comme Garcia Marquez, enfin comme les romanciers les plus habiles et les plus passionnants actuellement. Tantôt, il regarde la sorcière du point de vue du bourg et la phrase d'après, il saute à nouveau dans le point de vue de la sorcière et il regarde le bourg, le château, le prêtre, etc. du point de vue de la sorcière. Et c'est ce choc perpétuel de point de vue qui nous rend un peu intelligents, qui nous déplace et qui nous rend intelligents. Et qui fait aussi que La sorcière est un texte qu'on peut commenter de plusieurs façons. J'ai par exemple beaucoup aimé le commentaire qu'en a fait Michel Serres. Oui. Bien que ça ne m'ait nullement empêché d'en produire un autre très différent. Et naturellement, Michel Serres, c'était en 68, oui. Et c'était dans Hermès. Hermès, oui. C'était une conception. Hermès 1, je crois, d'ailleurs, le premier volume d'Hermès, c'est ça. Et Hermès le messager. C'est ça. Et Michel Serres, du coup, voyait, et là, il n'a quand même pas tort, il voyait dans, peut-être pas tort, il voyait dans Michelet quelqu'un qui était pré-freudien, pré-nietzschéen, pré-marxiste, mais qui touchait à la même vérité. Tout à fait. Vous aussi, vous voyez comme oui, ça. Je pense en particulier à cette. Quand j'ai écrit ce papier, je lisais beaucoup Freud et j'ai été frappée par le fait qu'il est très mauvais. Il est pas du tout freudien ou très pré-freudien ou très rien du tout, très bourgeois du 19e siècle quand il parle de sexualité, de la sexualité des femmes et de la sexualité dans La sorcière. Pas quand il parle du désir. Et pas quand il parle du désir de savoir. Mmh. Et La sorcière est de ce point de vue, un mythe comme le mythe d'Édipe. Mmh. Je montre assez longuement dans la fin de ce papier, qui justifie le désir de savoir la médecine, de savoir l'histoire, qui montre qu'on ne peut pas vouloir connaître quoi que ce soit sans que la question de son désir de savoir se pose. Le livre de Michelet est un mythe en ce que, dans le même texte, il parle de son objet et il parle de la façon dont il est inclus dans son objet et comment tout savoir sur cet objet est raconté par cette même histoire. Oui, comme Œdipe est pris dans la sphinge, est pris dans le... Enfin, Œdipe, on lui pose une question qui apparemment ne le concerne pas du tout. Oui. Hein, quel est cet animal qui a 4 pieds, 3 pieds, etc. Et il arrive à y répondre et il ne sait pas pourquoi. Et ensuite, la question retombe sur lui parce qu'il y a une peste à... La peste à Thèbes et on se demande qu'est-ce qu'on a donc en frein pour qu'il y ait la peste. Et à ce moment-là, on comprend que son nom a quelque rapport avec les pieds. Œdipo douce, c'est le boiteux, c'est celui qui a les pieds percés, les pieds enflés. il est le petit-fils de l'Abdakos, dont le nom renvoie aussi aux pieds, le boiteux justement. Et à ce moment-là, on comprend que cette question de la sphinge apparemment sans rapport avec lui ne parlait que de lui. Et vous pensez que Michelet est dans la posture d'Œdipe dans le récit. Absolument. Qu'il parle de lui en parlant des sorcières et en parlant de leur désir de savoir et de leur transgression du tabou sur le corps, sur la nature, sur tout ce que, dit-il, le Moyen-Âge avait enseveli à mort. Mais il ne parle pas seulement de lui comme individu éventuellement hystérique chose. Ça n'a aucune importance. Il parle... En faisant l'histoire de la sorcière, il va aux origines du désir du savoir historique. Oui. En faisant de la science, il va aux origines du désir du savoir scientifique. Et dans le même livre, il parle, c'est-à-dire il dit « Nous sommes tous les héritiers de ces femmes-là qui ont transgressé, de ces sorcières qui ont transgressé, qui ont été là où l'Église interdisait d'aller, qui ont été celles à qui l'Église interdisait de savoir ». Et il n'existe aucun savoir sans transgression. Mmh. Et nous sommes donc tous leurs héritiers et nous ne savons rien que nous ne tenions d'elles. Vous le formulez d'une manière qui est moins explosive que celle de Michelet. Michelet dit « Tout savoir est né... » Enfin, pour lui, tout savoir est transgression. C'est tellement il déteste la... Oui, on va le retrouver. Je vais le trouver. Okay. « Nommez-moi une science, dit-il. » Nommez-moi une science qui n'ait pas été révolte. Toutes les sciences de la nature, l'observatoire, le muséum et le jardin des plantes, l'école de médecine, toute bibliothèque moderne, ces nouveautés, toutes ont été Satan. Nul progrès qui ne fût son crime. Il dit à un autre moment, l'esprit nouveau, c'est-à-dire la science moderne, est tellement vainqueur qu'il oublie ses combats. Il n'était pas inutile de lui rappeler la misère de ses premiers commencements, quand une femme, l'infortunée sorcière, lui donna son essor populaire dans la science. Là, c'est une sublimation de la femme. On peut dire quand même que, que Michelet, comme il dit lui-même quand il parle de ce moment divin où il a écrit La sorcière, il dit qu'il a des sens de plus et qu'il était ailé. Et c'est un moment où il n'y a plus du tout de pauvres malades, où il n'y a plus de féminin ni de masculin. On peut dire que c'est une sublimation de la femme sorcière, oui, parce que comme esprit de subversion et comme esprit de connaissance. Donner la vie et donner la mort. C'est ça, parce que la sorcière, à certains moments, c'est pour lui la femme maximale, et à d'autres moments, elle a les deux sexes, elle est au-delà du sexe. Elle contient les deux sexes, comme le peuple, à d'autres moments d'ailleurs. C'est ce qui fait la beauté du mythe et sa vérité. Voilà, autre citation où on voit qu'il déplace l'origine des sciences. La Renaissance, il l'attribue à la satanique entreprise de ces gens qui ont percé la voûte, à l'effort de damnés qui voulaient voir le ciel. Et elle eut lieu, bien plus encore, loin de l'école et des lettrés, dans l'école buissonnière, où Satan fit la classe à la sorcière et au berger. Là, dit-il, s'exaltait l'amour curieux, le désir effréné de voir et de savoir. Ce texte-là, c'est quand même assez inouï, en plein milieu du XIXe siècle, qui est un siècle abominable, le XIXe siècle. Bon. Surtout à un moment où... À un moment où la science historique se constitue, oui. Où le discours académique, par exemple, même le style historique avec sa grande continuité, oui. Le récit historique commençait à être un genre assez, enfin, stylistiquement bien repéré, et lui se met à écrire avec ses phrases complètement chaotiques. Limpide en même temps. Extrêmement limpide, très lisse, mais avec très lisse. Des oxymores, par exemple, ah oui. Avec une quantité d'incises, de bousculades de pensées. Et de bousculades de mots constantes, des changements de point de vue, oui. des êtres humains, des acteurs historiques qui ne sont pas décrits par leur psychologie, oui. Mais par leur tissu, par leur sang, leur viande, leur trop rose, et leurs rêves. Et il introduit une histoire absolument pas psychologique, presque biologique, mais en utilisant la biologie, enfin la physiologie, la circulation du sang, etc., au service d'une vision à la fois politique et morale de la société. Il était lumineux, âpre et beau mon désert. J'avais mon nid posé sur un roc de la grande rade de Toulon, dans une humble villa, entre les aloès et les cyprès, les cactus, les roses sauvages. Devant moi, ce bassin immense de mer étincelante. Derrière, le chauve amphithéâtre où s'assoiraient à l'aise les états généraux du monde. Ce lieu, tout africain, a des éclairs d'acier qui le jour éblouissent. Mais au matin d'hiver, en décembre surtout, c'était plein d'un mystère divin. Je me levais juste à 6 heures, quand le coup de canon de l'arsenal donne le signal du travail. De 6 à 7, j'avais un moment admirable. La scintillation vive, acérée des étoiles, faisait honte à la lune et résistait à l'aube. Avant qu'elle parût, puis pendant le combat des deux lumières, la transparence prodigieuse de l'air permettait de voir et d'entendre à des distances incroyables. Je distinguais tout à 2 lieues, les moindres accidents des montagnes lointaines, arbres, rochers, maisons, plis de terrain, tout se révélait dans la plus fine précision. J'avais des sens de plus. Je me trouvais un autre être. Dégagé, ailé, affranchi, moment limpide, austère, si pur, je me disais, mais quoi ? Est-ce que je serai homme encore ? Michelet Le Sourcier, une émission de Pascal Werner. Avec Daniel Ben Saïd, Jeanne Favresada, Éric Fauquet et Georges Vigne à Montauban, Blandine Criégel, Pierre Nora, Michel Perrault, Olivier Remaud, Paul Vialanet et la voix de Luc Martin-Meyer. Mixage Marie-Dominique Bougaud et Mathieu Cavalli, réalisation Olivier Copin. On peut lire Michelet en collection bouquins chez Lafon, notamment l'histoire de la Révolution, en folio Jeanne d'Arc et la sorcière, et chez Garnier Flammarion en poche, Le Peuple. Sa correspondance est en cours de publication chez Champion, édité par Louis Guilloux. Les œuvres complètes sont en cours de publication chez Flammarion. Les cours du Collège de France sont publiés chez Gallimard, ainsi que la biographie de Michelet par Paul Vialanet. Le Michelet d'Éric Fauquet est publié aux éditions du Cerf, Michelet par lui-même, de Roland Barthes, est publié au Seuil. Le Michelet de Gabriel Monod est réédité chez Slatkin.